Hallelujah. Hallelujah. The Lord is speaking to the church at this hour. Que le Seigneur est en train de parler à l'église en ce temps-ci. The Lord is right now speaking to the church. Que Dieu est en train de parler maintenant à l'église. And it is a deliberate conversation with the church. Et que c'est une conversation qui libère pour l'église. And it is the moment of truth. Que c'est le moment de la vérité. Because in the nature of his conversation with the church, parce que la nature de cette conversation avec l'église, we see, nous voyons, that the Lord has come out to revive the church, que le Seigneur est venu pour faire le réveil dans l'église, and he is encouraging the church, qu'il est en train d'encourager l'église, to now focus on a more heavenly life. Pour qu'il puisse se focaliser sur une vie céleste. To focus on the things of the kingdom at this hour. Pour qu'il se focalise sur les choses du royaume de ce temps-ci. We shared already on the mighty vision of the wedding rings in the sky. Nous avons déjà partagé de la vision puissante des anneaux de noces dans le ciel. And I gave that message, the message on the wedding of the Lamb of God. J'ai déjà parlé des noces de l'agneau de Dieu. And we saw in Revelation chapter 19 when we read. Et nous avons vu cela quand nous avons lu Apocalypse chapitre 19. That the message that comes from there. Que le message qui vient de cela. From the scripture that celebrates the wedding of the Lamb of God. Des écritures qui célèbrent les noces de l'agneau. In that scripture, et dans cette écriture, we saw very clearly that there is a laying of responsibility on the church. Nous avons vu clairement qu'il y a une très grande responsabilité de l'église. The Lord is now laying responsibility upon the church. Nous avons vu que Dieu est en train de donner une très grande responsabilité à l'église. And we know that once heaven has marshaled all resources, et nous savons que quand les cieux ont déjà eu la maturité de toutes les choses, and prepared for that day, et qui se sont préparés pour le jour. Then he's sending me to tell the nations, et il m'a envoyé pour parler aux nations, that the wedding feast is already prepared, que la célébration des noces est déjà préparée. And we saw that the message that comes from there, et nous avons vu que le message qui vient de cela, is the message that is asking questions to the church, est un message qui pose des questions à l'église, and is asking the church, et il est en train de demander à l'église, are you also prepared? Est-ce que êtes-vous préparé? And therein is the responsibility, et ça c'est une très grande responsabilité, that have you prepared your garment? Est-ce que avez-vous préparé vos habits? Because we found out, parce que nous avons trouvé, in Revelation 19 verse 8, dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 8, that even when the wedding feast of the Lamb is prepared, que même quand la célébration des noces est déjà préparée, there is a huge felicitation in heaven. Il y a une très grande félicitation, une très grande célébration dans les a cieux. Huge jubilation in heaven. Il y a une très grande jubilée dans les cieux. A big celebration in heaven. Une très grande célébration dans les cieux. And that celebration, if you listen very carefully, et c'est cette célébration, si vous écoutez attentivement, you find that heaven is celebrating, vous voyez que les cieux sont en train de célébrer, for one reason, pour une seule raison, that the day of the wedding of the Lamb has arrived, que le jour des noces de l'agneau est arrivé, and when they looked at the church, et quand ils regardent l'église, the bride of Christ, l'épouse de Christ, they found she's ready. Ils voient qu'elle est déjà prête. That is the only reason heaven celebrates. C'est pour cette seule raison que les cieux célèbrent. And he says, fine linen, et ils disent le fin lin, bright and clean, qui est pur et éclatant, was given to the church to wear for that day, a été donné à l'église pour qu'il porte ce jour-là. And that is why the Lord sends me here, et c'est pour cela que Dieu m'envoie ici, to ask you, pour vous demander. In other words, dans d'autres mots, the Lord sends me here, le Seigneur m'envoie ici, to bring to you a wedding invitation, pour vous amener une carte d'invitation, an invitation card, une carte d'invitation. To invite you into the wedding of the Lamb of God. Pour vous inviter aux noces de l'agneau. But then in that invitation card. Mais dans cette invitation. You realize that you need a wedding garment. Vous réalisez que vous avez besoin d'un habit de noces. And you need to ask yourself, is my garment fine linen, bright and clean? Et vous devez vous demander, est-ce que mon habit est pur, éclatant et fin lin? And then he says, et il dit, that the fine linen, que le fin lin, stands for the righteousness of the saints. Responsabilise pour la droiture. So if you change it around, si tu le changes, then you see that my coming to the Netherlands, to Europe, que mon arrivée en Europe, en Hollande, is to essentially ask a question. Et c'est essentiellement pour poser une question. That are you aware? Est-ce que vous savez that this is the dispensation? Que ceci est la dispensation. That this is the hour. Que ceci est l'heure. For us to be wearing the garment. Pour que nous portons l'habit. This is the hour. Ceci est l'heure. And you are the generation. Et vous êtes la génération. That wears the garment of the Lord. Qui porte l'habit de Dieu. And we said. Et nous avons dit, look at it this way. Regardez ceci. There was the first church. Il y avait la première église. Where Peter was. Où Pierre était. Paul was there. Paul était là-bas. And all the apostles, and they did a perfect job. Et tous les apôtres ont fait un bon travail. And this is the finishing line. Et ça c'est la ligne fine, la ligne qui finit. And they were over here. Et ils étaient ici. And some of them. Et quelques-uns were even crucified upside down when they translated the Bible. Ont été crucifiés inversement quand ils étaient en train de traduire la Bible. When they translated the Bible for you to have the Bible. Quand ils ont traduit la Bible pour que vous puissiez la recevoir. When they brought the gospel to you. Quand ils ont amené la bonne nouvelle vers vous. Some of them were beheaded. Certains ont été coupés la tête. And so they said. Et ils ont dit. Gold and silver have I not. L'argent et l'or. But the Christ I have. Mais le Christ que j'ai. I give unto you. Je vous le donne. So they were running here. Ils étaient ici. They were running. Ils couraient à partir d'ici. And they ran with a baton. Et ils ont couru avec un bâton. And they ran. Et ils couraient. And when they reached today's church. Et là où maintenant ils arrivent l'église d'aujourd'hui. They gave the baton. Ils ont donné le bâton. And when you took the baton, et quand vous avez eu le bâton, the finishing line has been drawn. La ligne finale a été arrivée. So tell me, alors dites-moi, what did you do with the baton? Qu'est-ce que vous avez fait avec le bâton? They ran their segment very well. Ils ont couru leur tâche très bien. They preached Jesus Christ crucified. Ils ont prêché Jésus-Christ crucifié. And resurrected. Et révélé. When they walked, they testified. Et quand ils marchaient, ils ont témoigné. Jesus Christ crucified. Jésus-Christ crucifié. And resurrected. Et qui a été ressuscité. When they went to eat. Et quand ils ont commencé à manger. They sat down and eat. Ils sont assis et mangé. They ate Jesus Christ crucified and resurrected. Ils ont mangé Jésus crucifié et ressuscité. And when they went to sleep. Et quand ils sont partis dormir. They dreamt. Ils ont eu des rêves. They dreamt Jesus Christ crucified and resurrected. Ils ont eu des rêves que Jésus était crucifié et ressuscité. And when they died. Et quand ils sont morts. They died. Ils sont morts. Jesus Christ crucified and resurrected. Jésus crucifié et ressuscité. So they ran a perfect segment. Ils ont couru un très bon segment. And then they passed the baton to the present church. Et ils ont donné le bâton à l'église présente. And then the present church began to run. Et l'église présente a commencé à courir. So the question I have come to ask the church in Europe. Alors la question que je suis venu poser à l'église de l'Europe aujourd'hui. Is one question. C'est une seule question. What have you done with the baton? Qu'est-ce que vous avez fait pour le bâton? How have you run your segment? Comment avez-vous couru votre segment? I see the church. Je vois l'église. She ran. Elle est en train de courir. Then she fell down. Et elle tombe. She ran. Elle court. and fell down. Et elle tombe. Jeremiah chapter 8. Jérémie chapitre 8. Jeremiah chapter 8. Jérémie chapitre 8. We are beginning from verse 4. Nous commençons par le verset 4. And he says. Et il dit. Jeremiah chapter 8. Jérémie chapitre 8. Verses 4 on. Verset 4. And he says. Et il dit. Say to them, this is what the Lord says. When men fall down, do they not get up? Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? When a man turns away, does he not return? Quand un homme tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Why then have these people turned away? Pourquoi donc ce peuple s'est détourné? Why does Jerusalem always turn away? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il? They cling to deceit, they refuse to return. À de perpétuels égarements, ils persistent dans la tromperie. I have listened attentively to them, but they do not say what is right. Ils persistent dans la tromperie, refusent de se convertir. No one repents of his wickedness, saying, what have I done? Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Each pursues his own course like a horse charging into battle. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Even the stork in the sky knows her appointed season. The birds, he's talking about the birds in the sky. Even the stork in the sky knows her appointed season. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. And the dove and the swift and the thrush observe their time of migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leurs arrivées. But my people do not know the requirements of the Lord. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. So this is the question I have been asking here. Ceci est la question que j'ai demandé. That when you receive the baton, que quand vous recevez le bâton, what did you do with the baton in your segment? Qu'est-ce que vous avez fait avec le bâton dans votre segment? I saw that the church slid and fell. J'ai vu que l'église dort et tombe. That's why, like I said, c'est pour cela que j'ai dit, the glorious wedding garment she received at Calvary, le glorieux habit qu'il a reçu à la calvaire, and I said that the glorious garment radiates glory. Like flashes of camera flashes, glory. Que l'habit est très glorieux, il flashe comme un caméra, il flashe comme un caméra, c'est très glorieux, brillant, flashant comme un caméra. That is the perfect garment we received at Calvary. Ça c'est le parfait habit que nous avons reçu au calvaire. But when you received that garment, mais quand vous avez reçu cet habit, have you maintained it perfect, fine linen, bright and clean? Est-ce que vous l'avez maintenu fin, lin, pur, éclatant et brillant? And so I've seen the church has fallen. Alors j'ai vu que l'église est tombée. In Europe. En Europe. That's why sexual sin is acceptable in the church. C'est pour cela que le péché sexuel est accepté dans l'église en Europe. That's why the false prophets and the false apostles are full in the church. They are merchandising. They are making business. C'est pour cela que les faux prophètes et les faux apôtres marchandent dans l'église et sont très nombreux. If you tune Christian television, you see them there. They are selling. Put here, get here. Put something here, get here. Si vous tournez vers les télévisions chrétiennes, vous allez voir qu'ils vendent ici et là. Ils vendent des produits ici et là. They are preaching a gospel of the stomach. Ils prêchent la parole de l'estomac du ventre. They are preaching for bread, butter, wine and rent. Ils prêchent un grand et un puissant huile. And inside there, et à l'intérieur de là, there is immorality. Il y a de l'immoralité. Falsehood. Il y a de la fausseté. Deception. Il y a de la déception. Their teachings have led the church in Europe astray. Leurs enseignements ont amené l'église à part. And that's why I said, even if you go to the Dutch people now and you tell them, please, I want you to receive the Lord Jesus. C'est pour cela même si vous allez vers les Néerlandais, vous leur dites, vous est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ? He will look at you and say, I don't know what is wrong with you, but I refuse. I'm not receiving the Lord. Ils te regarderont et ils vont te regarder bizarrement et vont te dire, non, je refuse d'accepter le Seigneur. Because the testimony has not been consistent. Parce que le témoignage n'a pas été consistant. You have been living another life. Vous avez vécu une autre vie. Let me repeat what I've been saying. Laisse-moi répéter ce que j'ai continué à dire. Even the non-born again people, people not born again. Même les gens qui ne sont pas nés de nouveau. They know the power of what Jesus did on the cross. Ils savent le pouvoir et la puissance de ce que Jésus a fait sur la croix. And they know the standard of the Lord in the church. Et ils connaissent les standards de Dieu. Dans l'église. They know the standard that the church ought to live. Ils connaissent les standards que l'église doit vivre. That's why when a pastor is caught somewhere with a woman. C'est pour cela quand un pasteur est attrapé avec certaines femmes. In immorality. Dans l'immoralité. The secular people who are not born again newspaper. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau qui lisent les nouvelles. They write, they say, no, look, this is a pastor, look what he's doing, look. Ils écrivent et disent, regarde, ça c'est le pasteur, regarde ce qu'il a fait. Because they know the standard of salvation. Parce qu'ils connaissent les standards du salut. They know if you are born again, you have to live this standard. Ils savent que quand tu es né de nouveau, tu dois avoir ces standards. And that's why they come out, they take it upon themselves. C'est pour cela qu'ils prennent ça en sérieux. To police the church, to police the church. Qui commence à polir l'église. To check on the church, what is that pastor doing? Pour regarder, oh, qu'est-ce que ce pasteur fait? Oh, look, that's a pastor's wife. Look at how she's dressed. Regarde comment ce pasteur est habillé. These are pastor's children. Wow, look at how they are behaving. Regarde ces enfants de pasteur. Regarde leur caractère. The secular world. Le monde. They know the standard of the cross. Ils connaissent les standards de la croix. And that's why if you cannot live up to the standard of salvation. C'est pour cela, si vous ne pouvez pas vivre avec les standards. You have no power. Tu n'as aucun pouvoir. That's why when the church was given the baton. C'est pour cela quand l'église a été donnée le bâton. Because she did not observe separation. Parce qu'ils n'ont pas observé la séparation. She did not observe consecration. Sanctification. Ils n'ont pas observé la sanctification. She went out to evangelize. Ils sont partis évangéliser. But when she went out to evangelize. Mais quand ils sont partis évangéliser. She became converted. Il a été converti. She became converted. Il a été converti. The fashions of Milan. La mode de Milan. Or of Paris, France. Paris, France. She bought them and she's wearing them also. Oh, ils portent cela et ils disent. And if she sees people out there, there is abortion there. Et quand ils voient des gens là-bas avec de l'avortement. She's also doing abortion here. Ils font aussi de l'avortement. The church went out to convert the world. L'église est sortie pour convertir le monde. But because she did not separate. Mais parce qu'ils se sont pas séparés. She had no power. Ils n'avaient aucun pouvoir. The world in Europe converted the church. Le monde en Europe a converti l'église. There is no age, no difference. Il n'y a plus de différence. Did you understand me? Avez-vous compris? That is the reason I came. Ça c'est pour cette raison que je suis venu. And that's why when I read from the book of 1 Peter chapter 2 verse 9. C'est pour cela quand je lis 1 Pierre chapitre 2 verset 9. And I said that scripture underscores two things. Et quand j'ai dit que les écritures emphasent sur deux choses. If that is the scripture that inaugurated the church. Si c'est cette écriture qui doit opérer dans l'église. That inaugurated the church. Qui inaugure l'église. Then there are two things it confers upon the church. Il y a deux choses qu'on doit être sur l'emphase dans l'église. It says, look, you are a distinct people. Ils disent, voici, vous êtes un peuple distinct. In other words, you are a unique people. Vous êtes un peuple unique. And the second thing, you are a separated people. Et la seconde chose, vous êtes un peuple séparé. And so I discussed with you also on the glory of the Lord. J'ai discuté avec vous sur la gloire de Dieu. And we saw that the glory is giving instruction to the church. Et vous avez vu que la gloire donne des instructions à l'église. The glory is not giving the instruction to the Kenyan church alone. La gloire ne donne pas seulement des instructions à l'église au Kenya seulement. That glory visited the church. Cette gloire a visité l'église. I know he has revealed it to Kenya. Je sais qu'il a révélé cela au Kenya. But whosoever will be ready, that glory will be revealed to. Bah, quiconque qui croira, cette gloire sera aussi révélée. That glory is for all of you. Cette gloire, c'est pour vous tous. And so in that discussion, dans cette discussion, I say that there is a specific instruction emanating from the glory unto the church. Il y a une instruction spécifique pour la gloire. And that instruction is that the glory is now giving direction to the church. Cette instruction est en train de donner la direction à l'église. And he says when the glory settled, they settled in the wilderness. Et il dit que quand la gloire s'arrêtait, ils s'arrêtaient aussi dans le désert. When the glory lifted, they lifted and went on. Quand la gloire montait, ils montaient aussi. I read the book of Numbers chapter 9. J'ai lu Nombre chapitre. But let me explain something to you. Je vais vous expliquer quelque chose. The people of Israel had never been to Canaan before. Le peuple d'Israël n'avait jamais été à Canaan. And so they needed help. Jehovah needed to lead them there. They had never been there. Ils avaient besoin de l'aide. Ils avaient besoin de l'aide de Jéhovah. Il fallait qu'il. And that's why he came riding in his glory to lead them. C'est pour cela qu'il devait les diriger dans sa gloire. But listen to this now. Bah, écoutez, mais écoutez ceci. The pilgrimage that began from Egypt. Le pèlerinage qui a commencé en Égypte. The pilgrimage that began from Egypt. Le pèlerinage qui a commencé en Égypte. Ascending, headed to Jerusalem. Ils sont en train d'envoyer le message à Jérusalem. It was incredible. The Lord was doing a lot of works there with the Pharaoh, bringing judgment there to set them free in Egypt. C'était incroyable. Il faisait des travaux pour la libération en Égypte. But when they began the journey, the pilgrimage from Egypt towards Jerusalem. Quand ils ont commencé à faire le pèlerinage pour aller à Jérusalem. The Lord joined them. Le Seigneur les a joints. The Lord also took a pilgrimage with them. Le Seigneur aussi a pris le pèlerinage avec eux. He was settling in the tent. Il était avec eux dans la tente. Lifting with them, pilgrimage with them. Il pèlerait avec eux, il faisait le pèlerinage avec eux. Until they entered Israel. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans Jérusalem. I said in Europe there is so much confusion in the church. J'ai dit en Europe il y a beaucoup de confusion dans l'église. Some people say, do you believe in the pre-tribulation school or you are mid-tribulation or you are post-tribulation? Ils commencent à vous demander si vous croyez à l'avant-tribulation, à la mid-tribulation ou à la pré-tribulation. And I said, I have seen the coming of the Messiah. Je vous ai dit, j'ai vu le retour du Messie. And I said, whichever school of thought. Et je vous dis n'importe l'école que tu as enseigné. What matters is this. Ce qui importe, c'est ceci. He is coming like a thief. Il revient comme un voleur. As we saw in Revelation 16:15. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 16 verset 15. And so, blessed are those who prepare. Et dit, bénis ce sont qui se préparent. That when he will come, he will find you prepared. Quand il revient, qu'il vous trouve préparé. And so listen very carefully. Alors écoutez-moi attentivement. In 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to verse 7. 2 Thessaloniciens de chapitre 2 de verset 3 à 7. 2 Thessalonians chapter 2 from verses 3 to verse 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 jusqu'à 7. You hear him describing. Vous entendez en train de décrire. That already if you look at the earth, there is so much to do with Antichrist. Que si vous regardez le monde, il y a beaucoup de choses qui se font avec l'Antichrist. There are many things they don't like. Il y a des choses, beaucoup de choses qu'ils n'aiment pas. If you look at the church, si vous regardez l'église, for example in Europe, si vous regardez par exemple en Europe, they are removing God from their constitutions. Ils ont enlevé Dieu dans la constitution. If you look at many nations, Sweden, Switzerland, Denmark, they have the cross on the bandera, the flag. Si vous regardez dans beaucoup de nations comme la Suède, vous voyez la croix sur leur drapeau. So it can tell you something about the history of those nations. Pouvez vous parler de l'histoire de ces pays. But today they have turned around. Mais aujourd'hui ils sont retournés. They don't want Jehovah. They don't want God. Ils ne veulent plus Jehovah. Ils ne veulent plus Dieu. So that is against the Lord. Ça c'est là et contre Dieu. But look at this now. Mais écoutez ceci. And he says. Il dit. Except that he that holds him back, the Antichrist. À l'exception de ce qui retient l'Antichrist. The Spirit is already here. Le Saint-Esprit est déjà là. But there is he that holds him back. Mais celui qui retient l'Antichrist. You say the person, the personification. La personnalité, la personnification. Of the Antichrist. De l'Antichrist. Will not be revealed. Ne pourra jamais être révélé. Until he that holds him back. Jusqu'à ce que celui qui le retient. Has been gotten out of the way. Qui soit enlevé du chemin. And we found out that only the Holy Spirit can hold him back. Et nous avons vu que seul le Saint-Esprit peut le retenir. And so if you look at this pilgrimage that is headed towards the land of the kingdom of God, the rapture. Alors si vous voyez le pèlerinage qui nous amène vers l'enlèvement vers le royaume des cieux. Then you see that the day that the vessel, the tabernacle of the Holy Spirit will be raptured. Vous voyez que maintenant le jour des vaisseaux de ces gens qui ont le Saint-Esprit seront enlevés. The tabernacle. Le tabernacle. The vessel, le vaisseau, the dwelling, la demeure, the habitation, l'habitation of the Holy Spirit, du Saint-Esprit. The day she is taken in a flash, in a twinkling of an eye. Le jour qui sera enlevé comme dans un clin d'œil. Then the Holy Spirit has no vessel. Alors il n'y aura plus de Saint-Esprit dans un vaisseau. And that's why I say it. C'est pour cela que j'ai dit. That day of rapture of the church, which I have seen coming. Que ce jour de l'enlèvement de l'église que j'ai déjà vu is actually the day when the dispensation of the grace will also come to an end. Est actuellement le jour de la dispensation quand il aura été fin. That is the day when that dispensation of the grace will come to an end. Ça, cela, c'est le jour de la dispensation. Il y aura la fin de ce jour de la dispensation. And so listen to this. Alors écoutez ceci. Jehovah was in pilgrimage with them. Jéhovah était en train de pèlerinage avec eux. Up to Jerusalem. Jusqu'à Jérusalem. And this time around, alors ce temps-ci, he is also in pilgrimage with us. Il est aussi en pèlerinage avec nous. Until we will enter. Jusqu'à ce que nous entrons. Oh yes. Oh oui. Hallelujah. So now, maintenant, today I want to discuss a very important message. Aujourd'hui, je veux parler d'un message très important. I want to talk about the prophecy that brought the global economic crisis to Europe and the world. Je veux parler de la prophétie qui a amené la crise économique globale en Europe et dans le monde. I already discussed the pale horsemen, the bloodshed in the Arab world. J'ai déjà parlé du cheval rouge, du sang qui a coulé dans les pays arabes. And when the Lord spoke with me that 19th of August, quand le Dieu m'a parlé le 19 août, at night, dans la nuit, 2008, August 19th, 19 août 2008, and in that vision, the Lord lifted me up and I found myself standing right before the throne of God. Dieu, dans cette vision, Dieu m'a fait monter et j'étais assis et j'étais devant le trône de Dieu. August 19th, 2008. Le 19 août 2008. In the night. Dans la nuit. And when I found myself standing right before the throne of God, quand je me suis retrouvé devant le trône de Dieu, the throne of God was covered by the tremendous mountain of glory of the Lord. Le trône de Dieu était couvert par une montagne de gloire de Dieu. And he made me know, et il m'a fait montrer, when I was standing right before the throne, quand j'étais devant le trône, that he that sits on the throne, que celui qui est assis sur le trône, was seated on the throne, est déjà assis sur le trône. And he was paying particular attention to what was going to happen to me here. Et il était en train de payer, de tirer une attention particulière à ce que je voyais. So in the vision I knew that. Dans la vision je savais cela. And then after that. Et après cela. That is when the glory opened. C'est quand la gloire maintenant s'est ouverte. Down somewhere here down. Ici un tout petit peu au milieu. And when the glory of the Lord, I am standing facing the throne of Jehovah in heaven. Et quand la gloire, quand j'étais au milieu dans le trône dans les cieux. I wish you could see what I have seen. Je désire que vous pouvez voir ce que j'ai vu. I wish one day you can have a little glimpse of inside heaven. J'ai le désir de voir que vous voyez un tout petit peu ce que j'ai vu dans les cieux. You would surrender everything. Vous allez livrer toutes choses. You would tell yourself. Vous allez dire à vous-même that I will never miss that kingdom. Que je ne pourrai jamais manquer ce royaume. You would have looked for anything that you think will block you. Tu feras tout pour que toute chose qui te bloque. And surrendered it. Et tu vas livrer cela. For the sake of that glorious kingdom. Pour la bonté de ce royaume. So when I was standing facing the throne. Quand j'étais devant le trône. Then the glory opens. La gloire s'est ouverte. Then a creature came out. A creature. Une créature est venue. A creature came out from there. Une créature est venue de là. The creature that came from heaven, une créature qui est venue des cieux, was a most fearsome, fearful creature. Était une créature qui était très peureux, qui est très, que tu peux avoir peur, une très grande crainte. So as I stood there, quand j'étais devant cette créature, the Lord, le Seigneur, deliberately, a délibérément, made sure the creature comes very close to me all the way. C'est assuré que le créateur vienne de ce côté. And the more I looked at the creature as he came, plus je regardais la créature quand il venait, the more I was terrorized, plus j'étais terrorisé, the more I was terrified, plus j'étais terrifié, the more I feared, plus j'avais la peur. Especially in some of my writings, I describe the facial. Et spécialement dans mes écritures, je décris le visage. And when I describe the facial, I describe the frown and the lines. Serious. Je décris les lignes sérieusement de sa face. I describe this. Je décris ce front. As he came. Quand il vient. And he came all the way close to me. I cannot describe the other parts of the creature. Alors il est venu prochainement. Je peux pas décrire les autres parties de la créature. The Lord has never allowed me until this day. Le Seigneur ne m'a pas encore permis jusqu'à aujourd'hui. But you see, I describe a little bit of the features just to describe the seriousness of the creature. Je décris un tout petit peu les caractéristiques de la sériosité de cette créature. So when he came very, very close to me. Alors quand il est venu très proche de moi. And when he came very close up to here. Et quand il était proche comme jusqu'ici. And he was huge. Il était grand. Only later I understand why the Lord made him come very close. Après cela, j'ai compris pourquoi Dieu l'a amené jusque très près. But when the Lord was sure, I have seen him and seen him very well and I'm able to identify him. Dieu voulait s'assurer qu'il est venu vraiment vers moi, que je peux le voir, que je peux l'identifier. Then he turned and went back to the glory of the Lord. Et il est retourné vers la gloire de Dieu. And when he entered the glory, et quand il est entré dans la gloire, the glory covered him. La gloire l'a couvert. But the Lord opened my eyes a little bit more in that vision. Dieu a un peu ouvert les yeux dans cette vision. And so I was able to see inside the glory and I saw him release the black horse with his rider. Après, je pouvais voir dans sa gloire un tout petit peu comment il a libéré le cheval noir. A black horse. Un cheval noir. With his rider. Avec son chevalier. And when the rider of the black horse came out with the black horse. Quand ce chevalier avec le cheval noir est venu. He came with force. He came with ferocity. Force. Il est venu avec force, avec férocité. And the Lord made him come to me first. Et le Seigneur l'a laissé qu'il vienne d'abord à moi. So the black horse came, and a huge horse, very big horse. Le cheval noir est venu vers moi, c'était un very gros cheval. Huge horse. Qui était très grand, très grand. And then he came. Et quand il est venu. And then he stopped where I was. Il s'est arrêté là où j'étais. And he lifted the front legs. Et puis il a soulevé son right son next to me. Il a enlevé son jambe. I am now releasing the secrets of heaven to you. Alors je suis en train de vous révéler les secrets du royaume à vous. And when he stopped here, et quand il s'est arrêté ici, there is something the Lord wanted me to know. Il y avait quelque chose que Dieu voulait que je sache. About the black horse. À propos du cheval noir. The black horse from heaven. Le cheval noir des cieux. Has a tremendous long hair. In English they call it mane. M-A-N-E. A un très grand cheveu, a un très grand chevelure. Chevelure, they want. That hair begins from around the neck. Cette grande chevelure commence du cou. And it goes down and covers all the way. Et ça va jusque là-bas, ça couvre jusque aux jambes. The black horse, very black, very dark black. Le cheval noir, très noir, très noir. But has white, glorious hair, mane from the neck going down, flowing. Mais qui a une ligne blanche, une chevelure blanche de ce côté. And glorious. Et qui est glorieux. And that hair is curly. Et ce cheveu est vraiment maintenant. It is not straight. It is curly like this curly. Even now, as I speak, I almost see that vision. Il est courbé. Il est courbé. Il n'est pas droit. Tremendous curly hair like this. Like this. Je vois qu'il est courbé comme ça. And that is what the Lord wanted me to see. Ça c'est pour cela, c'est ce que Jésus voulait que je voie. So when he stopped in front of me. Quand il s'est arrêté devant moi. Then the black horse did this. Look. Le cheval noir a fait ceci. began to stretch the white glorious mane, the hair. Et il a commencé maintenant à faire monter sa chevelure. And he stretched. Et il a commencé à faire ses chevelures comme ça. And when he stretched the white glorious hair, et maintenant quand il a fait monter sa chevelure, in front of me, devant moi, I saw the glory come from the white hair. J'ai vu la gloire maintenant de la chevelure blanche à partir comme ça. J'ai vu la gloire partir comme ça. I could feel the glory. Je pouvais sentir la gloire. And then after that, après cela, he ran around heaven. Il a couru dans le ciel. And then from heaven, et depuis le ciel, I saw him on the earth. Je l'ai vu sur la terre. And I saw him running across the nations of the earth. Et je l'ai vu courir sur toutes les nations de la terre. Hallelujah. Hallelujah. And then when I woke up from that vision, après cela quand je me suis réveillé de cette vision, I told you, je vous ai dit, that every time the Lord speaks, que chaque fois que Dieu parle, you must find it in the Bible. Vous devez trouver ça dans la Bible. So when I woke up, quand je me suis réveillé, I went straight to the Bible. Je me suis allé rapidement dans la Bible. That is where I got the message I bring to you today. C'est pour cela que je vous amène le message aujourd'hui, je vous amène. When the Lord speaks, you must always find it in the Bible. Chaque fois que Dieu parle, vous devez trouver dans la Bible. And therein is the message for the church. Et cela est le message pour l'église. Hallelujah. Hallelujah. And so that was August 19th. Ça c'était le 19 août 2008. The Lord knew, le Dieu savait, that on Saturday, August 23rd, il savait que le samedi le 23 août and 24th, et le 24 août, I was going to a little Kenyan town called Nakuru, que j'allais dans une ville du Kenya qui s'appelle Nakuru, and there was going to be a huge meeting, very very huge. I don't know how many million people were there. Et il y avait une très grande réunion, il y avait beaucoup de millions, grande foule de millions. We took an open field, open. Nous avons pris un grand terrain ouvert, un très grand terrain, très grand stade. He knew I was going there. Il savait que j'allais là-bas. So he knew I would release the prophecy there. Il savait que j'allais révéler la prophétie là-bas. Listen very carefully. Alors écoutez attentivement. I began to speak to the nations from that town. J'ai commencé à parler aux nations de cette ville. And I said, listen to me, the nations of the earth. Et je leur ai dit, écoutez les nations de la terre. And I said, listen to me, the angels in heaven. Et j'ai dit, écoutez-vous les anges des cieux. I said, listen to the words of my tongue. Et j'ai écoutez la parole de ma bouche. And I said, I have seen the release of the black horse. J'ai vu la libération du cheval noir. From the throne of God in heaven. Du trône des cieux de Dieu. And then I said, alors j'ai dit, that means there is global economic crisis coming. Cela veut dire qu'il y a une crise économique globale qui s'en vient. There is global famine coming. Qu'il y a une crise de famine qui s'en vient. I said those things. J'ai dit ces choses. August 23rd, Saturday. Le 23 août, le samedi. August 24th, Sunday. Le 24 août, le dimanche. How did I know that? Comment je savais cela? Only in the Bible. Seulement dans la Bible. When I searched for black horse, I found it. Quand j'ai cherché le cheval noir, j'ai trouvé. That prophecy was fulfilled about 3 weeks to 1 month from when I spoke very rapidly. Cette prophétie s'est réalisée rapidement dans un mois quand j'ai parlé. But I am going to walk with you today on the message from that prophecy. Je vais maintenant parler avec vous et marcher avec vous le message qui est dans cette prophétie. What is going to be key is the message embodied therein. C'est la clé qui est dedans, c'est le message. The instruction from that prophecy. L'instruction de cette prophétie. And we saw the global economic crisis coming. Et nous avons vu la crise économique globale venir. And then 2010. Et en 2010. I was in South Korea, Seoul. J'étais en Corée du Sud, en Séoul. July 31st. 21 juillet. 2010. 2010. And then I left from there, I went to Brisbane, the east coast of Australia. Je suis allé à Brisbane dans l'Australie. Then I said, the second bout is coming. Et je dis, le second vient. The second bout of the global economic crisis. La seconde partie de la crise économique vient. Remember the first one, all the markets from New York up to Hong Kong, Shanghai crashed in one day. La première partie, toute le marché financier de Hong Kong, de New York. From New York to Hong Kong. De New York à Hong Kong. Through Europe. À travers l'Europe. All the way to Shanghai. Jusqu'à Shanghai. They crashed. Ils ont tombé. The first one. À la première partie. But then, later 2010. Après cela, en 2010, I was in East Coast of Australia, Brisbane. J'étais à Brisbane dans le côté est de l'Australie. And I said the second bout is coming. J'ai dit la seconde partie s'en vient. That is the one you saw eating Greece. C'est ce que vous avez vu maintenant en train de manger la Grèce. Almost tearing the eurozone. Et qui est en train maintenant de s'élargir dans l'euro, dans la zone euro. Going to Spain and Portugal. Jusqu'en Espagne et au Portugal. And now you see it has gone to Cyprus. Et vous voyez maintenant, c'est en train de partir dans un autre pays européen. Cyprus. À Chypre. It is spreading. Chypre. It has gone to Cyprus now. Chypre. Greece. Grèce. Portugal, Spain, all Portugal, these countries. Portugal, Espagne, dans tous ces pays-là. Now, I want, even here you felt it. Je pense même ici en Hollande, vous l'avez senti. I want now to focus on the message from that prophecy. Je veux maintenant se focaliser sur le message dans cette prophétie. And that is one prophecy that I will shock, shook the whole earth. Et c'est une prophétie qui va choquer le monde entier. But what is the message from there? Quel est le message dans cela? Listen very, very carefully, precious écoutez people. Écoutez attentivement, précieux peuple. Now listen to this now. Allez, écoutez ceci. One time, un jour, when the Lord Jesus had finished ministering out there on Mount Moriah, quand Jésus a fini de faire son ministère au mont Horiba, in the temple of the Lord, dans le temple de Dieu, it was always common practice. C'était ma pratique. Routine. C'était une routine. That when the Lord had ministered to the people, que Dieu ministrait le peuple, he always withdrew. Il se retirait from the public. Du public. He shrunk from the public. Il se retirait du public. Sometimes he went to the Mount of Olives. Parfois il allait au mont des Oliviers. Most of the time. La plupart du temps. Most of the time, he withdrew to the Mount of Olives. Il se retirait pour aller au mont des Oliviers. So that he may rest a little bit. Pour qu'il puisse se reposer un tout and peu. Be ministered to by the Holy Spirit. Et qu'il fasse le ministère avec le Saint-Esprit. And so he went to the Rocky Mountain. Alors il allait aux montagnes des rochers. Most of the time. La plupart du temps. So one of those days. Un de ces jours. When he was leaving. Quand il quittait, so he may go to the Mount of Olives. Qu'il allait à la montagne des, à la Mont des Oliviers. Then the disciples came and stopped him. Les disciples sont venus et l'ont arrêté. And they said, Lord. Ils l'ont dit, Seigneur. Look at the temple of Jehovah. Regarde le temple de Jéhovah. And the book of Luke says. Et le livre de Luc dit. They tried to draw his attention. Ils ont essayé d'attirer son attention. To the magnificence. À la magnificence, the beauty, la beauté, the architecture, l'architecture, that was used in building the temple of the Lord on Mount Moriah, qui a été utilisé pour construire le temple au Mont Riba. In other versions, they also say that the gifts, they drew his attention to the gifts of gold that were used to build the pillars, golden pillars. Dans les autres versions, ils disent maintenant les dents de l'or qui ont construit pour les piliers de ce bâtiment. The gold pillars. Les piliers en or. And so when they were drawing his attention to the magnificence, to the beauty of the architecture, the architecture. Quand ils attiraient son attention vers la magnificence, l'architecture, la beauté de cette architecture. Then the Lord disappointed them. Et maintenant le Seigneur les a déçus. The Lord looked at them. Le Seigneur les a regardés. And this is what the Lord said. Et c'est ce que le Seigneur a dit. He said, do you see these buildings here? Est-ce que vous voyez ces bâtiments, ces buildings? A time is coming. Le temps vient. When all these buildings, tous ces buildings, tous ces bâtiments, must be brought down, doit être détruit jusqu'en bas. And then he said, et il dit, when they are brought down, quand ils vont être détruits en bas, not even one stone will remain standing on another. Même une pierre ne sera au-dessus de l'autre. So they were very disappointed. Ils étaient très déçus. Why would such a beautiful building of Jehovah be demolished, brought down? Comment cette beauté de bâtiment de Jéhovah peut être démolie, détruite? But thank God for the wisdom of the Holy Spirit. Mais merci à la sagesse du Saint-Esprit. You remember at that time the Pentecost has not happened. Vous savez que le Pentecôte n'était pas encore arrivé. But there are several places in the Bible where before the Pentecost the Holy Spirit already visited. Et il y avait beaucoup de lieux avant la Pentecôte le Saint-Esprit visitait. For example, when the cloud that came down in Kenya appeared in the wilderness with Moses. À l'exemple comme la nuée qui est apparue dans le désert au Kenya est apparue aussi au désert dans le temps de Moïse. Moses, there is one time he went with 70 elders to see the Lord. Il y a un temps où il est parti avec des anciens pour chercher Dieu. And when the 70 elders went up, Quand les 70 anciens sont partis, two of them remained in the tent. Deux sont restés dans la tente. When they came back, they were prophesying. Et quand ils sont revenus, ils prophétisaient. So that is another moment you can call a Pentecost moment, whatever you want ça to call it. Un moment que tu peux appeler un moment de Pentecôte, un moment que tu peux appeler n'importe comment. Another moment. Un autre moment. Is when Jesus asked the disciples. C'est quand Jésus a demandé aux disciples. Who do people say I am? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? And the disciples said, et les disciples disent, some say you are the prophet of old, come back. Les disciples disent que tu es le prophète qui revient. And then he turned to them. Et il s'est retourné vers eux. And he asked them, et il leur a dit, how about you? Mais qu'est-ce que c'est à propos de vous? Who do you say I am? Qu'est-ce que vous dites que je suis? And then Peter, Simon Peter, et Pierre a dit, Simon Pierre, he said, il a dit, you are Christ. Tu es Christ. The Son of the Living God. Le Fils du Dieu vivant. And then the Lord said, et le Seigneur a dit, that must have come from the Father. Cela ne vient que du Dieu. So that is another moment of visitation right there. Ça c'est un autre moment de visitation que tu peux parler. So precious people, alors précieux peuple, when the Lord said the temple buildings would be brought down, quand Dieu a dit que le bâtiment de Dieu va être détruit, the disciples immediately received wisdom. Les disciples ont tout de suite reçu le sagesse. And they understood, ils ont compris, oh, he must be speaking about, il doit parler à propos de, the signs of the coming of the Messiah, les signes du retour du Messie, and the signs of the end of the age, les signes de la fin des temps, the coming of the Messiah, the end of the age, le retour du Messie, la fin des temps. And so, alors, when they realized that, quand ils ont réalisé, look at what they did, alors écoutez ce qu'ils ont fait. The Bible says, la Bible dit, they all came and sat at his feet. Alors ils se sont assis sur ses pieds. When he was sitting on the rock of the Mount of Olives. Quand il était assis sur le roc du Mont des Oliviers. And then they asked him. Et après lui ont demandé. Lord, Seigneur, when will that happen? Quand cela arrivera-t-il? Number two. Deuxièmement, and what will be the signs of your return, of your coming? Quels seront les signes de ton retour? Did you understand now? Avez-vous compris? And when Jesus, the Lord, opened his breath to answer them, quand Jésus a ouvert sa bouche pour les répondre, the biggest prophecy in the entire Bible was birthed out. Le plus grand prophétie de la Bible a été révélé. When the Lord began to respond to them, quand il a commencé à les répondre, the most powerful prophecy, le plus puissant prophétie, the most central prophecy, la prophétie la plus centralisée, in the entire Bible, dans toute la Bible, was given out, a été révélée. And this prophecy, et cette prophétie, is the prophecy of the Mount of Olives because he was sitting on the Mount of Olives. C'est la prophétie des Monts Oliviers parce qu'il était assis sur le Mont des Oliviers. But if you look at this prophecy carefully, si vous regardez attentivement à cette prophétie, this is the prophecy the Lord has been sending me with around the whole earth. Ça c'est la prophétie que Dieu m'a envoyé dans le monde entier. This is the prophecy of the release of the four apocalyptic horsemen. Ça c'est la prophétie de la révélation des quatre chevaux apocalyptiques. And he has been releasing one after the other. You can almost see the timeline when he releases each one. You can almost see the timeline. Il révèle l'un après l'autre. Tu peux voir l'échelle de temps. Tu peux voir comment l'échelle de temps va. So I am going to focus on this one of global economic crisis, the third horseman, the black horse. Alors je vais vous parler de cette prophétie du troisième cheval, le cheval noir. But I thought I should give you a general overview so that you are informed. Je dois vous donner un peu une description générale pour que vous puissiez un peu être informé. It would be a lot of violence to the Bible if I just jump onto the black horse and teach it and go. Il y aura beaucoup de violence si je prends juste le cheval noir dans la Bible et je l'enseigne et je pars. But anyhow. Mais quel que soit. Now, listen to this now. Maintenant, écoutez ceci. If this is the most central prophecy in the entire Bible, si cela est le puissant prophétie de la Bible, why then? Pourquoi cela? What is the justification? Quelle est la justification de Why cela? Would we classify it as the most central? Pourquoi nous pouvons le sacrifier comme le plus centralisé? Listen to this now. Alors écoutez ceci. Because this prophecy is the one that gives the signs for the coming of the Messiah. Parce que c'est une prophétie qui donne les signes du retour du Messie. All the other prophecies in the Bible, toutes les prophéties dans la Bible, they just revolve around this central prophecy. Ils s'entourent de cette prophétie qu'on parle. Again, before I read, listen to this now. Écoutez ceci. If this prophecy was given by the Lord, si cette prophétie a été donnée par Dieu, and it is the most central prophecy in the entire Bible, alors que c'est la prophétie la plus centralisée dans toute la Bible, then I know I should get it in the four glorious Gospels. Alors je dois le trouver dans les quatre évangiles that define the ministry of the Lord, qui définissent le ministère de Dieu. But if you got the book of Matthew, si vous allez dans le livre de Matthieu, you find that Matthew realized the significance of this prophecy. Vous voyez que Matthieu réalise la signification de cette prophétie. And he put it in Matthew chapter 24. Et il parle cela dans Matthieu 24. If you go to the book of Mark, si vous allez dans le livre de Marc, Mark realized the centrality of this prophecy. Marc réalise la centralité de cette prophétie. And he wrote it down in the book of Mark chapter 13. Et vous voyez qu'il a écrit cela dans le chapitre 13. And then if you go to the book of Luke, si vous allez dans le livre de Luc, Luke realized the significance of this prophecy. Luc réalise la signification de cette prophétie. And he documented it in the book of Luke chapter 21. Et il documente cela dans le chapitre 21. Matthew 24. Matthieu 24. Mark 13. Marc 13. Luke 21. Luc 21. However, if you got the book of John, you don't find it. Quel que soit si vous allez dans le livre de Jean, vous ne le trouvez pas. And then you ask yourself, why then? Et pourquoi vous allez vous demander pourquoi ça? If this prophecy is very central, why did John leave it out? Si cette prophétie est très importante, pourquoi Jean l'a laissé? But then later, you find out that John was put apart by the Holy Spirit. Vous trouvez que Jean a été mis à part par le Saint-Esprit. He was separated by the Lord. Il a été séparé par le Seigneur. That when the Lord speaks the prophecy on the Mount of Olives, quand le Seigneur parle de la prophétie au Mont des Oliviers, John would receive the transcript of the revelation of that prophecy. Jean recevra la transcription de cette prophétie. The revelation of that prophecy. La révélation de cette prophétie. And then John registered that prophecy in the book of Revelation chapter 6. Jean a enregistré cette prophétie dans Apocalypse chapitre 6. And such that when you now listen and you read the prophecy that Jesus gave on the Mount of Olives, pour que quand vous écoutez et que vous entendez le message que la prophétie que le Seigneur a donné au Mont des Oliviers, Matthew 24. Matthieu 24. Mark 13. Marc 13. Luke 21. Luc 21. When you read that prophecy, quand vous lisez cette prophétie, and then you go watch your news, et que vous allez regarder vos nouvelles, read your newspapers, vous lisez vos journaux, listen to radio, watch television, écoutez la radio, vous regardez la télévision, when you see it, quand vous voyez, and then you go read the book of Revelation chapter 6, vous allez maintenant lire l'Apocalypse chapitre 6, then you will say, oh, now I understand. Et après vous allez dire, oh, maintenant je comprends. Because then you will see the prophetic timeline of God. Vous allez maintenant voir la prophétie, l'échelle de temps de cette prophétie. Then you will see the zero countdown to the coming of the Messiah. Et vous allez maintenant compter de zéro jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. So let us go to Matthew 24 and see what was the prophecy. Alors allons dans Matthieu 24 pour regarder la prophétie. And when I give this now, maintenant quand je donne cela, you can now begin to understand why you are watching the news that you watch on your TV. Maintenant vous pouvez comprendre les nouvelles que vous écoutez à la télévision. Why you see the news that you see on your TV pourquoi today? Pourquoi vous voyez les nouvelles que vous avez à la télévision? Alléluia. Amen. Matthew 24. Matthieu 24. Matthew 24, this is what he says. Matthieu 24, c'est ce qu'il dit. I'm beginning from verse 1. Je commence par le verset 1. Once you are there, shout amen. Si vous êtes là, vous allez crier amen. He says, il dit, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verse 2. Verset 2. Do you see all these things? He asked. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? I tell you the truth. Not one stone here will be left on another. Everyone will be brought down. Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Will be thrown down. Qui sera renversé. Verse 3. Verset 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verse 4. Verset 4. That is now the prophecy. When Jesus begins to respond to that question. C'est maintenant la prophétie quand Jésus commence à répondre à la question. If you are writing the prophecy, these are the things you write. Si the, vous the ones he's going to say in verse 4. Si vous écrivez la prophétie, maintenant c'est les choses à écrire sur la prophétie dans ce qu'il dit dans verset 4. Jesus answered. Jésus leur répondit. Watch out. Prenez garde. Again, watch out that no one deceives you. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. If I am you and I meet the word deceive, I underline deceive. Si j'étais vous, si je vois le mot séduire, j'écris. If I meet the word deceives, I underline. Si je vois le mot déception, j'écris cela. Deceive, deceive. Déception, décevoir. And he says. Il dit. Watch out that no one deceives you. Que personne ne vous séduise. For many will come in my name. Claiming I am the Christ and will deceive many. Another deceive. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. And then he goes on to verse 6. Il continue dans le verset 6. Before we go to verse 6, can you focus on me? Avant que nous allons dans le verset 6, pouviez-vous vous focaliser vers moi? Because verse 6 says, you will hear of wars and rumors of wars. Parce que verset 6 dit, vous allez entendre des guerres, des rumeurs de guerre. Before I go to the wars. Avant que je vais dans la guerre. Can you focus on me now? Pouvez-vous vous focaliser vers moi, s'il vous plaît? The first, because they asked him, what will be the signs of your coming? Ils lui ont demandé, alors quels sont les signes de ton retour? So that when we see, we know that you are coming. Pour que quand nous allons voir, nous savons que tu reviens. And the first thing he said, alors la première chose qu'il dit, watch out that nobody deceives you. Et faites attention que personne ne vous séduise. Many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. Beaucoup de gens viendront en mon nom et vous séduiront et séduiront les hommes. Did you understand that? Avez-vous compris ça? So which means if you are writing the central prophecy, underline number one becomes, he said, there will be a dispensation of deception. Maintenant, si vous êtes en train d'écrire le message, la centrale du message devait être. If you are writing central prophecy, si vous êtes en train d'écrire la prophétie centrale, number one becomes deception. La première chose commence séduction. Meaning the Lord was saying, peut dire que le Seigneur disait, that before I come, avant que je vienne, there will be a dispensation of deception. Qu'il y aura une dispensation de la séduction. So listen to this now. Alors écoutez ceci. He says, il dit, that number one. Une première chose, there will be a dispensation of deception before the Messiah comes. Il y aura une dispensation de la déception avant que le Messie vienne. That if you will be able to see deception arriving in a big form, you know, the Messiah must be coming. Si vous voyez que la déception vient dans une très grande forme, vous savez que le Messie revient. But deception where? La déception où? Listen to this. He was talking to the disciples. Il parlait de disciples. And he says, et il dit, watch out that nobody deceives you. Et faites attention que personne ne vous séduise. They had come to him privately. Alors ils sont venus en privé. Watch out that nobody deceives you. Et faites attention que personne ne vous séduise. And he says, some people will come saying that they are Christ and will deceive them. Alors il y aura beaucoup de gens qui viendront en Christ et vous diront et vous séduiront. But the disciples, they knew Jesus Christ. Mais les disciples connaissaient Jésus-Christ. They knew his position on sin. Ils connaissaient sa position sur le péché. They knew his position on righteousness. Ils connaissaient sa position envers la droiture. They knew the holiness of the Lord. Ils connaissaient la sainteté de Dieu. How can somebody now come? Comment quelqu'un peut venir and then deceive. Et qui leur séduise? Because you know, when you get used to people, they call you, they say hello. Parce que quand vous êtes habitué avec des gens, ils vous appellent et vous disent hello. If it is me or us, we say praise the Lord. Si c'est nous ou c'est moi, je dis praise the Lord, gloire à Dieu. You can almost detect the voice. Vous pouvez détecter la voix. And you can know who is calling. Et vous savez qui appelle. Without asking who are you. Avant de lui demander qui es-tu. That is how much they walked with Jesus and knew Jesus. Ça c'est très important parce qu'ils marchaient avec Dieu et c'est comme cela qu'ils connaissaient Dieu. But now he is telling them that somebody is going to come and deceive them. Alors il leur dit qu'il y aura quelqu'un qui viendra et qui va les séduire. Deception where? La séduction où? The disciples here. Les disciples ici. Represented the church. Représentent l'église. So the Lord was saying that when you will see deception entering the church, alors le Seigneur disait, si vous voyez la séduction entrer dans l'église, then just prepare, know that I am coming. Alors préparez, sachez que je viens. The church. L'église. Number two. Deuxième chose. The disciples here. Les disciples ici. They represented the apostles. Ils représentent les apôtres. Apostles. Les apôtres. And the apostles. Les apôtres, that is the priesthood. C'est le sacerdote. That is the clergy. That is the pulpit. Ça c'est le clergé, c'est la pulpit. And so the Lord was saying. Alors Dieu disait. That deception would come to the pulpit. La séduction viendra sur la chair. He said, Peter. Pierre. Will you feed my sheep? Est-ce que vas-tu nourrir mes brebis? Meaning, will you be a shepherd unto my sheep? Est-ce que tu vas être le berger de mes brebis? So these were the pastors. Alors ceux-là étaient les pasteurs. They are the shepherds. Ils étaient les bergers. And the Lord was saying deception would come to the shepherds. Alors le Seigneur a dit la séduction viendra dans les pasteurs, dans les bergers. First prophecy. Première prophétie. And I'm going to come to you onto the revelation. Of course, now you understand what you see in the church. Je vais vous parler maintenant de la révélation. Vous allez entendre ce que vous voyez dans l'église. Now you understand what you're seeing in the church globally. Alors, vous comprenez ce que vous voyez dans l'église aujourd'hui. Number two. Deuxième chose. The second prophecy. La deuxième prophétie. He says in verse 6. Il dit dans verset 6. You will hear of wars and rumors of wars. Vous entendrez. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Alléluia. And then he says, nation will rise against nation, kingdom against kingdom. Alors il dit, les nations s'élèveront contre des nations, les royaumes contre des royaumes. So, number one, deception. Première chose, séduction. Number two, bloodshed. Deuxième chose, du sang. I am going to discuss only the third horseman, if you allow me. Je vais discuter seulement du cheval noir, comme j'ai pas de temps, si vous me permettez. But I prophesied the first one. Mais j'ai déjà prophétisé le premier. Until big realization now, big revelation. Jusqu'à ce qu'il y ait une grande réalisation, une grande révélation dans l'église. All over the globe. Dans tout le monde entier. I prophesied the second one when the glory, out of the glory came a red horse, red. J'ai prophétisé le deuxième quand même le cheval rouge est venu. Bloodshed, war. Le sang, les guerres. I am now talking about the third one maintenant, today. Je suis en train de parler du troisième aujourd'hui. Yesterday I talked about the fourth one. Hier j'ai parlé du quatrième. So when I finish the third, I have essentially finished the fourth horseman. Si je finis le troisième, cela veut dire que j'ai fini les quatre chevaliers. Hallelujah. Amen. But listen to these precious people. Alors écoutez-moi, précieux peuple. He says there will be wars and rumors of wars. Il dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. I don't have time for that. Je n'ai pas le temps pour cela. The war in Iraq. La guerre en Irak. The war in Iran. There is a war coming to Iran. Il y a une guerre qui s'en vient en Iran. I have been prophesying that war since before it appeared on the news. I think it's 9 years now. More than 9 years. J'ai déjà parlé de cette prophétie, prophétisé sur cette prophétie avant que même ça vienne dans les nouvelles. Je pense que ça fait 9 ans. I have been going all over the world saying that there is a nuclear war coming to Iran. Nuclear war. Je vais dans le monde entier en prophétisant en disant qu'il y a une guerre nucléaire. Nucléaire. And I see two missiles, two. Et je vois deux missiles. I see the propeller of the missiles are rolling anti-clockwise as they head to hit a facility. Alors je vois le sommet du missile qui tourne pour maintenant atteindre un bâtiment. And they hit a nuclear facility that is seated next to a mountain in a desert. Et ils atteignent maintenant un bâtiment, at the foot of a mountain. Un bâtiment nucléaire dans la montagne, au pied de la montagne. And the fire that comes from that explosion. Et le feu qui sort de cette explosion. Since the earth was created. Depuis que la terre a existé. They have not seen that type of fire. Ils n'ont jamais vu ce feu, cette fumée. It starts from the ground. Il commence de la terre. Almost reaches heaven. Jusqu'à ce que presque ça atteigne le ciel. And I don't know how far east it goes, how far west. Je ne sais pas de là où ça va jusqu'en est, de là où ça va jusqu'en ouest. But what makes me know it's a nuclear strike? Comment cela me sait que c'est une guerre nucléaire? Because I see the small flames, the small flames inside it like this small flames all over it. Parce que je vois des petites flammes à l'intérieur de la fumée, des petites flammes à l'intérieur de cette fumée. That is the Iran nuclear war I have been prophesying for more than 9 years now. Until it appeared in the news. Ça c'est une guerre nucléaire que j'ai prophétisé ça fait longtemps depuis 9 ans avant même que ça soit dans les nouvelles. And I was wondering who is going to strike? Is it Israel or it is the United States? Je me questionnais est-ce que c'est qui va se combattre? Est-ce que c'est Israël, l'État d'Israël ou l'État d'Iran? Until the Lord began to show me a lot of the Israeli Defense Forces, the Air Force practicing and so forth to go strike. I cannot share. A little bit more than this. Juste à ce que l'armée de défense Israël commence à se préparer pour se défendre, je ne peux pas cela partager ici. And so now, alors maintenant, that is one of the wars. Ça c'est l'une des guerres. But you know the war in Afghanistan, alors vous connaissez la guerre en Afghanistan, the war in Iraq, la guerre en Irak, the war in Somalie, la guerre en Somalie, the war in Colombia, la guerre en Colombie, the war in Mexico, la guerre en Mexique, the war all over the world, bloodshed. Il y a des guerres du sang qui coule. The prophecy number two. La deuxième prophétie, la prophétie 2. Bloodshed. Le sang qui coule. Now I am moving to number three. That is where we are today. Aujourd'hui, je vais à la troisième prophétie. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Hallelujah. And then I am going to help you. I am going to link that prophecy for you with the book of Revelation chapter 6. And then you will now see in real time what you see in the news. Je vais maintenant vous aider à vous connecter maintenant à la prophétie pour que vous compreniez l'Apocalypse chapitre 6. Let us move to the next prophecy now. Maintenant, allons à la troisième prophétie maintenant. And it says, verse 7. Et il dit maintenant au verset 7. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. And it says, there will be famines and earthquakes in various places. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Famines. Famine. Famines, number four, earthquakes. Famine, quatrième chose, tremblement de terre. Now you understand the earthquakes I prophesy globally. Alors maintenant vous comprenez les tremblements de terre que j'ai prophétisé globalement. Those earthquakes have biblical basis. Ces tremblements de terre ont une base biblique. They are part of the signs. Ils font partie des signes. Of the coming of the Messiah. Du retour du Messie. So when you watch your news very soon after we finish today, you are going to be able to know. Maintenant, quand vous allez écouter vos nouvelles après qu'on aura fini, vous allez maintenant comprendre. Okay, now. Alors maintenant. Beyond that. Au-dessus de ça. He says. Il dit. Because of increase in wickedness. À cause de l'augmentation de la faiblesse. The love of most will wax cold. L'amour de plusieurs va se refroidir. Meaning. Cela veut dire that there is going to be the falling away from true faith. Qu'il y aura une chute maintenant de la vraie foi. He continues to talk about what will happen, the apostasy that will take place. Maintenant, il continue à parler de ce qui va se passer dans l'apostasie. Hallelujah. Hallelujah. Now. Alors. When the Lord spoke this prophecy on the Mount of Olives. Quand Dieu parle de cette prophétie au Mont des Oliviers. Then John received the revelation for this prophecy. Jean a reçu la révélation de cette prophétie. And John recorded it in the book of Revelation. Jean maintenant l'a enregistré dans le livre de l'Apocalypse. That when you will read the prophecy. Quand vous allez lire la prophétie. And you will watch the news. Et que vous allez écouter les nouvelles. And read Revelation 6. Et que vous allez lire Apocalypse 6. Then you will understand in real time. Mais vous allez entendre maintenant en temps réel. What is happening to the earth? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? How close we are to his coming? Comment est proche nous sommes à son retour? Hallelujah. Hallelujah. But now listen to this now. Alors maintenant, écoutez ceci. The book of Revelation, you can read it at home. L'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, vous pouvez le lire chez vous. Revelation chapters 1, 2 and 3. Apocalypse 1, 2, 3. You find him saying, look, the height from which you have fallen. Vous écoutez, dit, regarde, la droite est tombée. Repent and go and do things the way you did at first. Répentez-vous et maintenant faites comme ce que vous avez fait avant. He says things like, you are lukewarm. I'm going to spit you. You are neither cold nor hot. Et disent, vous êtes ni chaud ni froid. Je vais vous vomir. And he also says, et il dit aussi, that go back, remember the height from which you've fallen. Go back to your first love. Maintenant, retournez à votre premier amour. And he says, there are those in Sardis who have not soiled their garments. Maintenant, il y a d'autres à Sardis qui ont vendu leurs habits. And he says, they will walk with the Lamb. They will walk with the Lamb. Ils marcheront avec l'agneau. And he gives a lot of things there. But if you look at Revelation chapters 1, 2 and 3. Si vous lisez Apocalypse 1, 2 et 3. You see the Spirit of the Lord preparing the church. Vous voyez l'Esprit de Dieu en train de préparer l'église. I just want to summarize for you an overview. Je suis en train de résumer brièvement une description générale. It is about repentance. Repent. Repent, repent, repent, preparing the church. C'est à propos de la repentance. Repentez, repentez, repentez, préparez l'église. If you look at Revelation chapter 4. Si vous regardez maintenant Apocalypse chapitre 4. Chapter 4, he introduces the throne of God. Apocalypse 4, il introduit maintenant le trône de Dieu. You remember the throne, I said the Lord took me and I stood before the throne. Alors vous vous rappelez du trône, le trône dont j'ai eu la vision où je m'étais mis debout devant. In chapter 4, he introduces the throne. Dans l'Apocalypse 4, il introduit le trône. And he talks about the 24 other thrones. Alors il dit à propos maintenant des autres trônes, des 24 thrones. I have seen the 24 elders, the 24 thrones. I have seen j'ai them. Déjà vu les 24, les 24 trônes. And then he talks about the four living creatures around the throne. Et maintenant il parle maintenant des quatre vieillards sur le trône. Now we are entering into the prophetic timeline of God. Maintenant nous sommes en train d'entrer dans le temps prophétique de Dieu. And there are four living creatures. I have seen all of them. Alors les quatre écritures vivantes, je les ai déjà vues. And each one of them, et chacun d'eux, when he is released, it corresponds to something. In fact, corresponds to the release of one of the horsemen. Quand il libère cela, il y a une description maintenant de un des créatures qui se réalise. So Revelation chapter 4 is about the throne. Apocalypse chapitre 4, c'est à propos du trône. In Revelation chapter 5, dans Apocalypse chapitre 5, he then introduces the scroll of God in heaven. Maintenant, il parle maintenant à le rouleau à des sceaux. We are now going to open the scroll, the inside of the scroll. Nous allons et maintenant lire le rouleau. Nous allons ouvrir le rouleau. Revelation chapter 5, he introduces the scroll. Apocalypse chapitre 5, il introduit le rouleau. And then, in the process of introducing the scroll, alors dans le processus de introduire le rouleau, he says there is a worship that takes place there. Il dit qu'il y a une adoration qui prend place. He talks about how the elders worship the Lord. Ils disent maintenant comment les anges adorent Dieu. But also he talks about a crisis. Il parle aussi d'une crise. That they want to open the scroll, qui voulait ouvrir le rouleau, but they wonder who is worthy enough to break the seals and open the scroll. Et disent qui est assez digne pour ouvrir le livre et les sceaux. Alléluia. Amen. And when the crisis comes up, maintenant quand la crise vient, then when there is a lot of distress, quand il y a beaucoup de détresse, then all of a sudden, soudainement, the voice from the throne says, don't weep, for the lion of the tribe of Judah, the root of David, he has already triumphed and he is worthy to break the seals and open the scrolls. Après, il y a eu la voix dans le trône qui a dit, n'ayez plus crainte, parce qu'il y a un lion dans la tribu de Judah qui a déjà vaincu, the root of David, he is able, he has triomphed. He can break the seals and open the scrolls. He says, he is able. Il dit, il est capable. And I see, et je vois, that when the Lord is speaking about that, quand le Seigneur dit de cela, he is laying emphasis et qu'il met de l'emphase on the triumph of the lion of the tribe. Sur la triomphe du lion de la tribu. He says, based on that victory. Basé sur cette victoire. That victory. Cette victoire. He is now able to open. Il est capable maintenant d'ouvrir. So they are related. Ils sont reliés. But based on the victory, now he can open. Basé sur cette victoire, il peut ouvrir. So you see, based on the victory on the cross, he has authority to open. Basé sur la victoire sur la croix, maintenant il a l'autorité d'ouvrir. So the two, right away you can see that what is in there must have to do to, with what happened there. Les deux qui disent cela veut dire que c'est relié à ce qui est dit là-bas. That is Revelation chapter 5. Ça c'est Apocalypse chapitre 5. But then now, Revelation chapter 6. Maintenant, Apocalypse chapitre 6. That is where the message is today. C'est là où le message d'aujourd'hui. That is where we were coming to. C'est là où nous sommes venus. Revelation chapter 6, he now introduces the seals of the scroll. Apocalypse chapitre 6 introduit les sceaux du rouleau. That the scroll has seals. Le rouleau a des sceaux. Can we read that now? Pouvons-nous lire cela? Revelation chapter 6, precious people. Apocalypse chapitre 6, ce précieux peuple. Today the church will mature. Aujourd'hui l'église va devenir mature. Now you are mature, you must eat strong food because the Messiah is coming for a mature church. Aujourd'hui vous êtes mature, vous devez manger de la nourriture mature parce que vous devez grandir. This is very critical. Tout cela est très important. Let us enter the kingdom of God. Mais préparons-nous pour entrer dans le royaume des cieux. This one here. Mais aujourd'hui ici. Is the kingdom of God. C'est le royaume des cieux. How to enter? Qui doivent entrer? Hallelujah. Amen. Okay, Revelation chapter 6 now. Apocalypse chapitre 6 maintenant. And he says. Il dit. He says verse 1. Verset 1. I watched as the lamb opened the first of the seven seals. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux. Then I heard one of the four living creatures say in a voice like thunder. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Come! Viens! I looked and there before me was a white horse. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Its rider held a bow. Celui qui le montait avait un arc. And he was given a crown. Une couronne lui fut donnée. And he rode out as a conqueror bent on conquest. Et partit en vainqueur et pour vaincre. So when the lamb opened the first seal, quand il ouvrit le deuxième sceau, a horseman comes out. J'entendis le deuxième être vivant qui dit. And we can see that this horseman is riding a white horse. Vous voyez maintenant un chevalier qui roule sur un cheval blanc. When I mentioned the vision of the wedding rings. Hier, au vendredi, quand j'ai parlé de la vision des anneaux de noces de mariage dans le ciel. Then the voice said, "Look and see who is seated on the white horse." La parole dit, voici celui qui est assis sur le cheval blanc. And I said, when I looked at the threshold of heaven inside, I saw the powerful, huge, glorious white horse. Quand je regardais à l'intérieur de la gloire, j'ai vu un grand cheval blanc dans la gloire. That horse. Ce cheval. Now we are seeing another white horse. Nous voyons un autre cheval blanc. Who is this horseman here? Qui est ce chevalier ici? When the lamp opened the seal, a horseman comes out. He's given a crown. He has a bow in his hand. He goes out as a conqueror bent on conquest. Quand nous voyons que quand le Seigneur, l'agneau, ouvre le rouleau avec les sceaux, on voit maintenant qu'il y a un cheval blanc. On voit qu'il y a un chevalier, un vainqueur qui vint avec une couronne. A conqueror bent on conquest. Un vainqueur qui vient pour vaincre. Means. Cela veut dire. He is not ready to take anything less than victory. Il n'est prêt que juste pour prendre que la victoire. Listen to this now. Maintenant, écoutez ceci. This horseman. Ce chevalier. Is the most deadly of the four. C'est l'un des grands chevaliers de ces quatre. When the Lord was saying that we'll be brought down. Quand il a dit que cela va être descendu. The house. La maison. And no stone left on another. Et qu'il n'y aura aucune pierre qui va rester dessus de l'autre. And when the Lord was sitting on the rock. Quand le Seigneur était assis sur le roc. And saying that the house must be brought down, no stone will be left on another. Et dit que la maison doit être détruite et qu'il n'y aura aucune pierre au-dessus de l'autre. This is what the Lord meant. C'est ce que le Seigneur voulait dire. He meant that this horseman is so powerful, he is very cunning and shrewd. Et il voulait dire que ce chevalier est très fort, très furieux et qu'il va vraiment détruire. Because parce que he says some will come saying I am the Christ and lie, deceive many people. Et il dit beaucoup viendront, plusieurs viendront et disant je viendrai au nom de Christ et ils séduiront beaucoup de gens. This is what he meant. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Because the horseman that I talked about with the wedding rings, that is the Messiah. Le chevalier que j'étais en train de parler avec les anneaux de noces, c'est le Messie. That is the one you see in the book of Revelation chapter 19 from verse 11 down. I read for you verse 14. C'est ce que vous voyez maintenant dans Apocalypse chapitre 19 du verset 11 jusqu'à 14. Hier je vous ai lu le verset 14. I read verse 14 when he comes with the white horse and the raptured church. Also coming in fine linen, bright and clean, going to Jerusalem with him. And I said, preparing the garment today in Amsterdam has an eternal consequence. Hier, j'ai parlé du verset 14 où maintenant le Christ vient. The rapture church. Oui, où l'église vient, le Messie vient avec un cheval blanc pour prendre l'église. L'enlèvement, il revient, l'enlèvement. Et maintenant, c'est là où je vous parlais de ces choses au verset 14. Revelation 19. Est-ce qu'on peut lire l'Apocalypse chapitre 19? Verse 11 on. Verset 11 jusqu'au. Because I want to make sure when I leave, you are in good hands. Pour que quand je quitte, nous vous soyez dans de bonnes. You have it. Vous avez cela. And when you have it, nobody can take it from you. Pour que quand vous l'avez, personne ne peut plus le prendre. Now you can enter. Maintenant vous pouvez entrer. So let us clear this very fast here. Revelation 19 verse 11. Clarifions cela dans Apocalypse chapitre 19 verset 11 à 14. And he says, il dit, I saw heaven standing open and there before me was a white horse whose rider is called Faithful and True. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. With justice he judges and makes war. Et il juge et combat avec justice. He says, his eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait mon nom écrit. He has a name written on him that no one knows but he himself. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. He's dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. The armies of heaven are following him, riding on white horses, dressed in fine linen, white and clean. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc et pur. Out of his mouth comes a sharp sword with which he strikes down the nations. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. And he rules them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. On his robe and on his thigh he has this name written: King of Kings and Lord of Lords. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. So do you see where the church made a mistake? Vous voyez maintenant là où l'église a fait un mauvais pas. When the lamb broke the first seal, là où l'agneau a brisé le premier sceau, another white horseman is released. Un autre cheval blanc est libéré. And the church thought that this was the Messiah. Et là l'église pense que cela était le Messie. This is not the Messiah. Celui-là n'est pas le Messie. The Messiah we have read in Revelation 19. Le Messie nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 19. His name is the Word of God. Son nom c'est la parole de Dieu. He comes to rule with justice. Il vient avec la justice. An iron scepter. Avec une épée. He is the King of all kings and the Lord of lords. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. The Messiah has a sharp sword. If you read down, he says, he out of his mouth comes a sharp sword with which he strikes the nations. De sa bouche, il vient une longue épée qui coupe les nations. But if you look at this other horseman here, maintenant, si vous regardez ce chevalier ici, he comes with a bow. Il vient avec un bow. Une arme de fer, une verge de fer. For me, that tells me that he has some arrows here. Cela veut dire qu'il a des arcs ici. Even if the Bible don't mention, I know that he must use arrows on this bow. Même si la Bible me dit s'il a un arc, c'est qu'il y a des, maintenant des flèches. Yes, so you take to use it. Pour utiliser cela. He is not coming with a sword. Il ne vient pas avec une épée. The Messiah comes with a sword, a sharp sword. Le Messie vient avec une épée étroite. So the place where the church failed from, le lieu où l'église est tombée, is because the church failed to rebuke this horseman here. Parce que l'église a manqué de châtier ce cheval. The church did not rebuke this one. L'église n'a pas châtié ceci. This is the horseman the Messiah talked about. Ça c'est le chevalier que le Messie parle. When he was seated on the Mount of Olives. Quand il était assis sur le mont des Olives. When he said deception, deception, look like Christ. Quand il dit, white horse, crown, crown, come to conquer, come to conquer. Quand il dit séduction, regarde, il est comme Christ, cheval, cheval, blanc, blanc. Une couronne, une couronne. Come to conquer. Qui vient vaincre. Come to conquer. Qui vient aussi vaincre. This one is saying he cannot take anything less than victory. Celui-ci ne dit qu'il ne vient que pour prendre la victoire. And the Messiah also is coming for victory. Le Messie vient aussi pour la victoire. But this one is coming with bows. Mais celui-ci vient avec a un bow. Arc. Un arc. And he has a crown. Et il a une couronne. But if you read down there, you hear that the Messiah has many crowns. Si vous lisez maintenant, vous voyez que le Messie a plusieurs couronnes. So the church did not rebuke this one. L'église n'a pas renié cela. His name is deception, this one. Son nom, c'est la séduction. Look alike. Il ressemble avec. The second one. Le second. Revelation chapter 6, precious people. Chapitre 6, écoutez-moi, précieux peuple. Revelation 6. Apocalypse chapitre 6. And he says, when the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, come. Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take away peace from the earth and to make men slay each other. To him was given a large sword, a spalder. Verset 3. Quand il ouvrit le deuxième seau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. So now, when the second seal is broken, maintenant que le deuxième seau est brisé, a red horse, red bloodshed is released. Un red. Cheval rouge maintenant est libéré, un rouge, un cheval rouge. But you remember that when Jesus was sitting on the rock, he said, there will be wars and rumors of wars, bloodshed. Et vous savez quand Jésus était assis sur le roc, il disait, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des rumeurs de guerre. Now you see the red, red bloodshed, red maintenant, horse. Vous entendez le cheval rouge, le rouge, le cheval rouge. Now we come to the message of this day. Maintenant nous avons le message pour aujourd'hui. Now when the lamb breaks the third seal. Maintenant quand l'agneau brise le troisième seau. Because you will find that when he breaks the third seal, then he releases the black horse. I described the vision here. Then inside there, he also releases the secret of the character. The characteristic, the features of the perfect bride of Christ there. Vous trouvez maintenant quand je parle du troisième sceau, maintenant comment il brise le sceau, comment il y a les caractères de la vision dont je vous ai révélé. Of the perfect bride of Christ. De la perfection de l'épouse de Christ. Now let us move to verse 5. Maintenant allons au verset 5. When the lamb opened the third seal, quand il ouvrit le troisième sceau, I heard the third living creature say, come. J'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. I looked and there before me was a black horse. Je regardais, voici paru un cheval noir. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Then I heard what sounded like a voice among the four living creatures saying, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, a quart of wheat for a day's wages. Une mesure de blé pour un denier. And three quarts of barley for a day's wages. Et trois mesures d'orge pour un denier. And do not damage the oil and the wine. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Let us focus on this today. Maintenant, focalisons sur ceci. This is the message I came to give today here. C'est ce que je vous ai donné aujourd'hui. This is the vision I described before the throne, the black horse. C'est ce que maintenant je vous décris maintenant sur la vision du cheval noir. So you see, when I say, look, there is going to be an economic crisis maintenant, c'est là où in the prophecy. Maintenant, c'est là où je vous dis quand il y aura une crise économique globale. Dans la prophétie, when I say there is going to be famine, quand il y aura de la famine, Where did I get that prophecy before I went on the 23rd of August and said it to the world? Où j'ai eu la vision avant que je le dise le 23 août, le 24 août et que je le révèle? This is where I got it from. C'est là où je l'ai reçu. Number one, he says, numéro un, il dit, that the rider of the black horse is coming, but he's carrying a balance. Le chevalier qui court sur le cheval noir a dans sa main une balance. If you come from Africa, si vous venez de l'Afrique, when I go to buy sugar in the shop, the small shop, they call it kiosk. Quand je vais au kiosque pour acheter le sucre, I pay for 2 kilograms of sugar. J'ai payé pour 2 kilos de sucre. I count the coins I give. Je compte les pièces que je donne. And this person selling, la personne qui vend, dit, he will take 2 stones. Il va prendre 2 pierres. 1 stone put. Une pierre. A second stone add there. Et il va mettre une deuxième pierre. I pay for 2 kilograms. Quel que soit, je paye pour 2 kilos. He puts 2 stones. Il met 2 pierres. And then he goes and scoops sugar. Et maintenant il prend le sucre. And he pours on this other side. Et il le met sur l'autre côté. Until the scale balances. Jusqu'à ce que l'échelle se balance. So when the Lord says, quand Dieu dit, that the rider of the black horse, que le chevalier du cheval noir, he is running around the nations. Il est en train de courir les nations. And he's coming. Et il vient. And he's holding a balance. Et qu'il a une balance en main. A weighing scale in his hand. Et qu'il a une balance en main. The Lord is saying, le Seigneur dit, buying and selling, vendre et acheter, buying and selling, vendre et acheter, that the buying and selling of the nations, vendre et acheter des nations, is now in the hands of the black horse. C'est dans les mains du cheval noir. You can almost tell now. Maintenant vous pouvez comprendre. The buying and selling of the nations, vendre et acheter des nations, where the black horse was running, là où le cheval noir court, is now in the hands of the black horse. C'est dans les mains du cheval noir. That means there is a black day coming to the global buying and selling. Cela veut dire qu'il y a un jour noir qui vient dans le marché de vendre et acheter. Do you see how the Lord speaks? Vous voyez comment le Seigneur parle? He's saying, there is a black day coming in the, because I give you here, you put for me equal to that, they balance you, I take it. Il y a une journée ténébreuse qui vient. Il y a une journée ténébreuse qui vient. Il y a la balance, on met quelque chose du côté gauche, il y a quelque chose du côté droit et ça doit balancer. The buying and selling of the nations, le vendre et acheter des nations, is equal to trade. Est égal au commerce. Meaning, there is a black day coming to trade. Maintenant, cela global trade. Une journée ténébreuse qui vient dans le commerce du monde entier. The buying and selling of the nations, le vendre et acheter des nations, is equal to global commerce. Est équivalent au commerce global. And hence is equal to global economy, buying and selling. Et maintenant, le commerce, ça veut dire la crise économique globale. But there is something most important I want you to understand here. Alors, une chose très importante que je veux que vous compreniez. That when the black horse is released, quand le cheval noir est libéré, then finally you hear the voice of the Lord himself from among the 4 living creatures. Finalement, vous allez entendre la voix de Dieu parmi les créatures. And he says, et il dit, is instructing the rider of the black horse. Il instruit maintenant les œuvres du cheval noir. He's saying, when you get there, il dit, quand vous allez être là, make sure that 1 quart of wheat goes for 1 day's wage. Que vous soyez sûr qu'un denier de blé équivaut à 3 deniers de orge. That is why I prophesied the global famine. C'est pour cela que j'ai maintenant prophétisé la crise économique globale. Because I found out, quand j'ai compté, in the Hebrew definition, dans la définition hébreuse, 1 quart of wheat, un denier de blé, is just enough wheat for 1 person for 1 day, est assez de blé pour une journée pour un hébreu. And yet I know that in the average Jewish family in this time, alors j'ai su que maintenant dans ce temps, dans la famille hébraïque, they could be 12, maybe they are 10. Ils pouvaient être 12, peut-être 10. I know that when you go to work, you don't go to work for yourself. You go to work for your family. Bring bread on the table. Je sais que quand vous allez for all of them. Je sais que quand vous allez au travail, c'est pas juste le pain pour vous-même. C'est le pain de la table pour tout le monde dans la maison. That is why I understood. I said, wow, that means there is going to be an inflation in food prices. C'est là où j'ai compris qu'il y aura une inflation dans le marché de la nourriture. When you go to work, you used to bring food for the whole family to eat. Vous étiez habitué à aller au travail pour amener le pain pour tout le monde dans la famille. But now he's saying you will be able to bring only food for one person to eat. Mais maintenant il dit vous allez juste avoir juste un salaire pour une seule personne. Then I began to pronounce global famine also. C'est là où j'ai commencé à parler de la famine globale. And then famine entered Eritrea, Ethiopia, Somalia and northern Kenya. La famine est entrée en Érythrée, en Éthiopie, en Somalie, jusqu'au nord du Kenya. Kenya also very severe. Au Kenya, vraiment très sévère. In Kenya, au Kenya, people were eating rats, mice. Les gens ils mangeaient les souris. And when a monkey died, they eat it. Quand le singe mourait, ils mangeaient cela. They were eating donkeys and baboons. Ils mangeaient maintenant tous ces animaux-là. And if you look at the Bible, during the famine, during the time of Elisha, the prophet of the Lord. Maintenant, si on parle de la famine dans le livre de Élisée dans son temps, people ate donkey heads. Les gens mangeaient les têtes des singes. This has been going on. It's not anything new. Et cela n'est pas vraiment nouveau. Cela a été déjà. There is famine everywhere. There is famine in DR Congo. There is famine all the way in Latin America. There is famine. The Food and Agriculture Organization has pronounced that there is a food shortage globally. Il y a de la famine partout au RDC, en Amérique latine, partout l'agriculture et l'élevage, les organisations d'agriculture et de l'élevage disent cela. However, quel que soit, he gave two prophecies in one. Il a donné deux prophéties en un. The first one he says, you go and bring famine on the earth. Le premier dit, va et amène la famine sur la terre. Scarcity. Maintenant scarcité. Lack. Maintenant le manque. But the second prophecy, maintenant la seconde prophétie, with the same breath, et maintenant ils disent, he says, however, quel que soit, if you meet oil and wine, si tu rencontres l'huile et le vin, don't damage it, preserve it, et ne les endommage pas, préserve-les, protège-les. In the same prophecy, he gives two sub-prophecies. Second prophétie, il donne deux prophéties à l'intérieur. Alléluia. Amen. If you go to Israel, si vous allez en Israël, in this time, en ce temps, the rich people lived on the hills, on the mountains. Les gens qui riches vivent sur les collines, aux montagnes. And they were throwing their garbage down to the valley of Ben Hinnom, down there. Et maintenant, ils laissaient leurs déchets sur la vallée. And that is where you found the porter working, breaking the old pots, mixing with water, and working on the wheel. Et c'est là où vous voyez les gens qui font des potiers en train de faire leur pot, qui sont en train de construire leur pot. That is the porter's house. Ça c'est la maison de la potière. That is where Jehovah sent Jeremiah to stand and take his left prophetic finger and point at the house of the Lord on Mount Moriah. Là où at that valley. Là c'est là où Jéhovah a envoyé Jérémie pour pointer son doigt vers le Mont Morija. The house of the Lord on Mount Moriah. La maison de l'Éternel vers le Mont Orija. And he said, house of Jacob, can't the Father do with you as the potter does with clay? Maison de Jacob, qu'est-ce que Dieu peut faire avec la potière ici? That is the place, for example, the valley of Ben Hinnom, the garbage, the dead dogs, dead cats, the smell, very bad down there. C'est là la the Lord de... was saying that the worship in the house had now become stinky, such that when they worship, the stench, their aroma is like this stench. That's why Jeremiah had to come here, and the Lord said, when you get there, then I will ask you to speak to the house. Là, c'est la vallée de Ben Hinnom, c'est là où il y a tous les déchets. C'est là où maintenant Dieu dit, les adorateurs, maintenant vous adorez, ça pue. Maintenant, l'aromate qui vient de ces adorations, maintenant pue, ça pue, ça pue. They were thinking that the revival was still continuing on. Ils pensaient que le réveil continuait. That it was ongoing. Qui continuait. But the glory had gone. Mais la gloire était déjà partie. Sexual sin was here. Le péché sexuel était là. False prophets were here. Les faux prophètes étaient là. And so the Lord was saying. Alors le Seigneur disait. That as they worshipped. Quand ils adoraient. The fragrance they emit. Les fragrances, le parfum. Is it smells to me like the smell of these dead dogs and cats where the porters are working here. Ça sent comme les chiens et les chats là où les potiers travaillaient. So anyhow, the rich lived up. Quels que soient les riches habités en haut. The poor down. Les pauvres en bas. But listen very carefully. Alors écoutez attentivement. If you compare the lifestyle of the two groups. Maintenant si vous comparez les deux styles de vie des deux groupes. The poor people. Les pauvres gens. Even today in Israel. Aujourd'hui même en Israël. The government has to subsidize the price of pita bread. Maintenant le gouvernement doit donner des subsides au pain des pauvres. And so everybody should afford. Pour que tout le monde puisse avoir l'argent. Bread has to be a minimum. Maintenant le pain est devenu un minimum. You take a bunch of ten, put in your armpit, cross the street. Maintenant tu peux prendre le pain et quitter la rue. But then if you look at the lifestyle of the wealthy. Maintenant si vous regardez les styles de vie des riches. If you look at their table. Si vous regardez leur table. You get a select wine from a special vineyard. Vous voyez un vin sélectif qui vient d'un vignéaire quelque part. And they used to take cheese and dip cheese into very rich special olive oil. They dip cheese. Et ils avaient habitué d'un fromage qui est très riche qui mettait dans le vin pour manger. And when they are serving cheese, they scoop the cheese from the oil, they put on the plate, the oil floods the plate, the cheese has sucked most of the oil. Maintenant quand ils servaient le fromage, ils coupaient, ils trempaient ça dans l'huile et maintenant c'était étalé, vous voyez toute l'huile étalée dans le fromage. And then they throw some olives on the surface. Et après maintenant ils mettaient des olives dans le service de l'huile. And then the special bread is wrapped on a cloth, put on a basket, it is hot. Et maintenant vous voyez une nourriture spéciale, un pain chaud qui est mis au-dessus, chaud. And so they open the cloth, they break the bread which is hot, you touch the cheese melts and it sucks, the bread sucks the oil, you eat it. Et maintenant ils prenaient le pain, ils trempaient ça dans ce fromage, ils trempaient avec de l'huile et maintenant ils commençaient à manger. And then, et après, you pick one olive and eat, you remove the seed. Et tu prenais un olive, tu mangeais, tu enlevais maintenant le noyau. And you sip the special wine. Et maintenant tu bois le vin spécial. And then at the side here might be fish or whatever, some barbecue beef, so that you eat, but this is the table. À côté, il y avait maintenant du poisson bien fumé. Il y avait de la viande de barbecue qui était bien préparée pour que tu manges. While the poor people, mainly the pita bread, mainly the bread. Alors que les pauvres n'avaient qu'un pain pita, un pain pita. With whatever they found, but bread, if you get bread, that is enough. Quel que soit whatever you get, vegetable, whatever, that is additional. Quel que soit ce que tu trouvais, que ça soit des légumes, maintenant tu manges. Listen to this now. Maintenant écoutez ceci. If you look at the two groups. Maintenant si vous regardez les deux groupes. That the Lord is speaking to. Que le Seigneur est en train de parler. The two groups. Les deux groupes. One group is the poor people. Un groupe est les gens pauvres. Who mainly depend on bread. Qui sont principalement basés sur le pain. And the Lord is telling the rider of the black horse. Et le Seigneur est en train de parler du chevalier. That if you find those poor people, make life even harder for maintenant, them. Maintenant si tu trouves ces pauvres, maintenant fais leur vie très difficile encore. Make sure that the bread is very scarce, even difficult for them, much more. Sois sûr que maintenant leur pain soit encore plus dur pour manger. But if you find those whose table has wine and olives and cheese and oil. Mais là où tu trouves ces gens avec des tables de l'olive, de l'huile et du fromage. Which is the symbol of affluence. Qui est le symbole de l'influence. The symbol of plenty. Le symbole de tout. The symbol of surplus. Le symbole du surplus. If you find those people, si vous trouvez ces gens, please don't destroy them. Ne les détruis pas. Preserve them. Maintenant protège-les. Wow. Why would the Lord say such a thing? Alors pourquoi Dieu dirait cette chose-là? That is incredible that the Lord can say such a thing, right? Ça c'est incroyable que Dieu peut dire des choses comme cela. Let me explain to you. Maintenant, laissez-moi expliquer. Now. Maintenant. The Lord was saying le Seigneur disait, that in these days, dans ces jours-ci, you remember in the prophecy of the black horse, I said, famine, global famine is coming. Famine. Vous avez compris que dans le prophète du cheval noir, je disais, la famine s'en vient, la famine. Be careful when the prophet of the Lord speaks. Faites attention quand le prophète de Dieu parle. There is so much deep there. Il y a beaucoup de profondeur dedans. I know that The physical famine came. Je sais que la famine physique sont venues. But there is also a spiritual famine. Mais il y avait aussi une famine spirituelle. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. The Lord was saying, le Seigneur disait, that in the days before the Messiah come, avant que les jours du Messie viennent, there would be two types of churches. Il y aura deux types d'églises. One of the churches, l'une des églises, will be barely surviving. Va être vraiment être bien serviteur. And the bread will be very scarce. Et le pain va être trop dur. Read with me the book of Amos chapter 8 verse 11 and 12. Maintenant lisez avec moi Amos. Amos chapter 8. Amos chapitre 8. Verse 11 and verse 12. Verset 8. This is the sensitive hour where you must catch it. C'est la sensibilité que vous devez maintenant attraper cela. If you catch this one, you can run with it up to heaven. Si vous attrapez cela, vous pouvez maintenant aller dans le ciel. Amos chapter 8, 11, 12. Amos chapitre 8, verset 11 à 12. And he says, il dit, the days are coming, declares the sovereign Lord. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. When I will send a famine through the land, où j'enverrai la famine dans le pays, not a famine of food or a thirst for water, but a famine for hearing the words of God, the Lord. Non pas la disette du pain, la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Men will stagger from sea to sea. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. And wander from north to east. Du septentrion à l'orient. Searching for the word of the Lord. But they will not find it. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. This is incredible, right? Ça c'est très incroyable. Because the Lord is now saying, parce que l'Éternel dit, that when the Messiah is about to come, avant que le Messie vienne, there will be two types of churches globally. Il y aura deux types d'églises globalement. Matthew chapter 25, he says, when the Messiah is about to come, there will be two types of virgins. The foolish virgins, the wise virgins. Matthieu 25, je n'étais pas supposé le dire, mais je n'étais pas supposé le prêcher. Il y a deux types d'églises. Les 10 vierges, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Meaning there will be two types of churches. Qu'il y aura deux types d'églises. He said one group, the foolish, will not enter. The other group, they will have oil. Oil, they will enter. The wise church. Une groupe église qui est folle, ils n'ont pas entré. Mais les autres sont sages, ils ont de l'huile. And this is what the voice of the Lord was saying from the throne of God. C'est ce que maintenant la parole de Dieu disait du trône des cieux. That if you go to the world, si vous allez dans le monde, you remember in the vision I saw the black horse running all over the nation. Vous avez vu quand dans la vision que le cheval noir courait ici. He said when you go there, if you find a church that is barely surviving, they are looking for the word, they are looking for the bread, they cannot find it, shut the door on them. Mais shut it. Maintenant, si vous trouvez cette église-là, qui sont confus, qui ne regardent que le monde, qui ne font que des choses du monde, maintenant, ferme la porte de cette shut église. It on them. Ferme la porte sur if eux. If they are just struggling and looking for bread, they cannot find the word. There's nothing here. Ils cherchent le pain, ils cherchent la parole de Dieu. Ils disent, ah, ici, il n'y a pas de la parole. Maintenant, si tu vois ça, ferme la porte. Meaning they are hungry. Qui veut dire qu'ils ont faim. And a hungry person, et là, quelqu'un qui a faim, can eat anything, peut manger tout. And that's why false prophets will be there. C'est pour cela qu'il y aura des faux prophètes. They will be feeding them on garbage. Ils pourront maintenant leur donner des déchets. And he says, et il dit, that is not the bride of Christ. Cela n'est pas l'épouse de Christ. Shut the door on that church. Ferme la porte de cette église. That is the church in falsehood. Il est dans le mensonge. Il est dans la séduction. But he says, mais il dit, if you meet a church, mais si vous rencontrez l'église, where there is a wine, où il y a le vin, and there is oil and there is cheese, et il y a l'huile et le fromage, the church of the wine, l'église du vin, the church of the oil and the wine, l'église de l'huile et de vin, where the new oil is flowing, où il y a d'une nouvelle huile qui and flash. the oil is the flow of the anointing of the Holy Spirit. L'huile est maintenant le flot du Saint-Esprit. And he says that when that anointing of the Holy Spirit comes, that church will be in revival of the Holy Ghost. Cette onction, quand il viendra, il y aura maintenant de l'onction de Saint-Esprit. And the power of that anointing, et maintenant le pouvoir de cette onction, is the new wine, the special wine. C'est le nouveau vin, le vin spécial. If you see that church, si tu vois cette église, the oil and wine church, l'huile et le vin, l'église de l'huile et de vin, preserve that church, protège-le, protect that church, protège cette église. That is the bride of Christ. Ça, c'est l'épouse de Christ. That one. Cette église. And so I have come. C'est pour cela que je suis venu. I have come to announce, je suis venu annoncer, that the dispensation has now arrived, que la dispensation est maintenant arrivée, for the oil and wine church, pour l'église de l'huile et de vin, to receive the protection of Jehovah, de recevoir la protection de Jéhovah, because the rapture is near, parce que l'enlèvement est proche. The Messiah is coming. Le Messie revient. And he says, et il dit, that the church which is in the oil and wine, l'église qui est dans l'huile et du vin, that is the vessel of the Holy Spirit. Ça, c'est le vaisseau du Saint-Esprit. So she has the Holy Spirit revival. Il a le réveil du Saint-Esprit. And the Holy Spirit, et le Saint-Esprit, will always reveal more and more of Christ to the church. Va toujours révéler Christ, Christ en plus. And so when she worships, maintenant quand il adore, she's being instructed by the Holy Spirit. Ils ont été instruits par le Saint-Esprit. Instruction by the Holy Instruction Spirit. Du Saint-Esprit. When she is praying, quand il prie, she is being instructed by the Holy Spirit. Ils sont instruits par le Saint-Esprit. When she is walking, quand il marche, she's walking in the Holy Spirit. Il marche dans le Saint-Esprit. That church, cette église, she knows, elle connaît, that the Messiah is the Spirit-filled man. Le Messie dans l'événement spirituel. That church, cette église, that is Spirit-filled, qui est dans les intérêts spirituels. That church, that, cette église, that is the bride of Christ. C'est l'épouse de Christ. Two churches. Deux églises. Two churches. Deux églises. One church, une église. They are going today. I'm trying this church. I am not happy. I'm going to another church. Aujourd'hui, j'essaie cette église. Ah, c'est fini. Je pars dans une autre église. I listen to this pastor. I need another one. Oh, j'écoute ce pasteur. Non. J'ai besoin d'un autre. These days, ces jours-là, that famine has broken out. Il y a eu de la famine. People are walking from church to church. Les gens tournent d'église en église. They are looking for where they can get something small to eat. Ils cherchent quelque chose où ils peuvent manger, un tout petit peu pour manger. There is scarcity of the word. Il y a le manque de la parole. And that's why, c'est pour cela, you can imagine how much work I have. Vous pouvez vous imaginer combien de travail j'ai. I have just jumped things. I've just given you only one here. J'ai sauté beaucoup de choses. Je vous ai donné une seule chose. Revealed to me from the throne of Jehovah. Qui a été révélé par moi de Jehovah. And you can imagine. Vous pouvez vous imaginer. There is no time for playing around here saying, oh, I need 10,000 euros here. Il n'y a plus I de... need people with, I need two, three people who really need blessing. Each one 2,000 euros. I need only three, I don't need more. Il n'y a plus There's de... no time for that. Il n'y a plus de temps de jouer avec moi. Oh, j'ai besoin de 10 000 euros. J'ai besoin juste de 5 personnes. Peut-être 3 personnes juste avec 2 000 euros. Il n'y a plus de ce temps de jouer avec. And before they come to preach, avant qu'ils viennent prêcher, I was hearing about a certain man of God from Nigeria, man of God. J'ai entendu un certain homme de Dieu qui vient du Nigeria. And he was saying, il disait, he must be given 100,000 euros before he goes to preach in Ukraine. Qu'on doit lui donner minimum 100 000 euros avant qu'il vienne prêcher en Ukraine. And the problem, they collected and they reached 70,000 euros and he refused to go. Et le problème, c'est qu'ils ont atteint juste 70 000 euros et il a refusé de venir. That is the church. Ça, c'est l'église. That has no word. Qui n'a pas de parole. Then scarcity. Le manque. That is the church. Ça, c'est l'église. Of the devil. Du diable. That's why he says, when you meet the church, destroy it. Si tu rencontres cette église, détruis-la. But the real church of Christ. Mais la vraie église de Christ. There is plenty of word. Il y a trop de paroles. You cannot even finish anything. Tu ne peux pas finir. They are feeding on the true word. il y a beaucoup de vérité, beaucoup de paroles de Dieu. And when they feed on the word, et quand ils écoutent la parole de Dieu, the word is saying repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent. Et c'est celui qui dit repentissez, repentissez, repentissez, repentissez, repentissez, repentissez, repentissez. And when they repent, quand ils se repentissent, that is how Kenya repented. C'est comme cela que Kenya s'est repenti. Until the professors of university were wearing sacks. Jusqu'à ce que les professeurs des universités se remportaient des sacs. I am talking about the sack for putting maize. Les for sacs carrying où maize. On met le maïs. Everybody, the lawyers, the doctors, the who, the village women, repent until the Holy Ghost came and overflooded the nation. Les professeurs, les docteurs se sont répartis jusqu'à ce qu'il y ait la gloire. The word says repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent, repent all the time. La parole de Dieu dit, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Because he is holy. Parce qu'il dit, il est saint. Very holy. Très saint. He is holy. Il est saint. So that is what the word is able to do. Ça, c'est ce que la parole de Dieu est capable de faire. So the Lord was saying, Jehovah disait, that in the day before the Messiah comes, avant que le Messie vienne, there would be two types of churches. Il y aura deux types d'églises. One church where they are lying, lying to people. There is no word. Une église où il y a que des mensonges, des mensonges, des mensonges. Il n'y a pas de la parole de Dieu. And another church, et dans une autre église, where the word, où la parole, where the bread is in plenty. Là où la parole est pleine. Where there is affluence. Là où il y a de l'affluence. Meaning revival. Le réveil. In that church. Dans cette église. The cripples are walking. Et les peuples marchent. The HIV is healed. Les HIV et SIDA sont. Time is over. Le temps est fini. Me, I want to lie on the floor. Moi, je suis prêt à être par terre. That Jesus may be raised. Pour que Jésus soit élevé. That Jesus may be exalted. Pour que Jésus soit élevé. That he may harvest Europe. Pour qu'il puisse avoir l'Europe. That the blood of Jesus may wash Europe. Pour que le sang de Jésus lave l'Europe. That the flow of the anointing of oil may pour here. Pour que l'onction de l'huile soit ici. This is the hour. Ça c'est le temps. He said there, he said two types. Il dit deux types. He said two. Il dit deux. One which is in scarcity. Une qui est dans le manque. And the other one is in plenty, revival. Une autre qui est dans la plénitude, le réveil. My question becomes, ma question vient, which church do you choose to be? Quelle est l'église dont tu choisis d'être? Which one do you choose to be? Quelle église tu choisis d'être? Huh? Hey, how can people say, comment les gens peuvent dire, you know, when I brought the message of repentance to Kenya, quand j'ai amené le message de la repentance au Kenya, these people here, ces gens-là, they treated me very badly, these people here. But these people were very difficult people. Ils étaient des gens très difficiles, ces peuples-là. Because the message is bitter. Parce que le message était pimenté. The message rebukes sin. Parce que le message était dur, il châtiait le péché. And the message tells the pastors, parce que le message dit aux pasteurs, who have been preaching for 38 years, qui ont prêché pendant trentaine d'années, that pastor, repent. Pasteur, répands-toi. It is very bitter. C'est très vraiment, c'est très so dur. They did not accept. Ils ne voulaient pas ça. And so they said, no, but we are born again. What are you talking about? Ils disent, nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce que tu parles? And I said, I don't care about you are born again. Je dis, je ne tiens pas compte que tu es né de nouveau. But I care about what the Lord has told me. Je tiens compte de ce que Dieu m'a parlé. He has told me that in the past. Il m'a parlé dans le passé. The book of Acts chapter 17. L'acte chapitre 17. Acts chapter 17 verse 30 and 31. Acte chapitre 17. Acts chapter 17 verse 30. Acts chapitre 17 verset 30. And he says, il dit, in the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. Alors dans le passé, Dieu sans tenir des comptes des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, sans dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Because they say, parce qu'il dit, oh, I am apostle. Oh, je suis apôtre. The man of God is coming. L'homme de Dieu vient. Let us go and prepare the presidential suite. Préparons la suite présidentielle. And he does not like if you don't put in the gym and the sauna and the jacuzzi and what? Et il n'aime pas si vous ne le mettez pas dans le jacuzzi, dans le sauna, dans ce que je ne sais pas. In Kenya, au Kenya, the message was so rough. Le message était very tough. Était très difficile. Until they said, jusqu'à ce qu'ils disent, non, non. This prophet, his message is bitter. Le prophète, ce message est très dur. He's legalistic. Il est légaliste. He's preaching the Old Testament. Il est en train de prêcher l'Ancien Testament. Let us go and get for ourselves our prophet of good hope. Maintenant, allons avoir notre prophète du bon espoir. You know, I cried that day. J'ai crié ce jour-là. The bishops, the pastors, they went on TV. Les bishops, les pasteurs sont partis à la télévision. In Kenya, au Kenya, they held their hands together. Ils ont mis leurs mains ensemble. And they said, ils ont dit, we are inviting our prophet of good hope from America. Nous invitons le prophète du bon espoir des États-Unis. We are in the dispensation of the grace. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. So that prophet will give us a good message. This message we don't want. Pour que le prophète nous donne ce message, ce prophète nous voulons pas ce message. You know, when I saw, I looked, I wept. Quand j'ai vu cela, j'ai pleuré. I cried. J'ai crié. I wondered where to hide my head. Je me suis demandé là où je peux maintenant cacher ma tête. Because they were antagonizing me. Parce qu'ils m'antagonisaient. And so, alors, what amazed me, ce qui m'a étonné, the Lord spoke to me in a dream that that woman is not his prophet. He does not speak to that woman. Dieu m'a parlé dans in a dream. In a dream. Dieu m'a parlé maintenant dans un rêve, que cette femme n'est pas une prophète. Elle ne parle pas de la vérité. And then later I saw a dream again. Après cela, j'ai vu notre rêve. She was dancing disco in the disco pub. Elle dansait dans les discos. And they were wearing very short mini skirts. Et elle avait une mini jupe. So I asked people, why am I seeing a white mini skirt, very short, and they are dancing in a discotheque? Pourquoi je vois une petite mini jupe blanche qui danse dans le disco? And the Lord told me in the dream also. Et Dieu m'a dit dans le rêve. You know, that is the time the Lord had just sent me to Kakamega. C'est là où le Dieu m'a envoyé maintenant à Kakamega. And in a broad sunny day, sunlight. Dans une journée ensoleillée. It had not rained there. Il n'y avait pas eu de pluie. In some time. Dans beaucoup de temps. And the Lord made me, I did not know I was repeating the Bible. Je ne savais pas que je répétais la Bible. So I was asking my assistant. Je demandais à mon assistant. Because the pastors came to me. So I was asking, tell me, go and check for me, is it going to rain? Because it seems the rain will disturb the crusade. Parce que les pasteurs sont venus, je demandais à mon assistant, est-ce que ça va vraiment pleuvoir? Parce que je voyais comme s'il allait pleuvoir pour arrêter le serment. To cut the whole story short. Pour maintenant couper l'histoire courte. And the Lord took me to the altar and he asked me to point at heaven and command heaven to open and pour the latter rain. And in less than 1 minute, rain poured in the stadium. Dieu m'a amené maintenant sur l'autel. Il m'a dit de me pointer devant le ciel et de demander la pluie. Et la pluie dans 1 minute est venue comme ça et il est tombé chaud. In less than 1 minute. Dans moins d'une minute. And so the Lord told me. Alors Dieu m'a dit. That she was aware. Qu'elle connaissait. This is the one I'm talking about. This is the day I'm talking about. Ça c'est le jour que je suis en train de parler. And in less than 1 minute from a sunny day, rain poured down. Dans moins d'une minute, dans un jour ensoleillé le dimanche, la pluie est tombée. In less than 1 minute, heaven opened and rain poured. Dans moins d'une minute, la pluie est venue et tombée. And the Lord told me she was aware of that. Et le Seigneur m'a dit il savait cela. So I knew everything that number one, she is not the prophet of the Lord. Je savais que vraiment c'était pas le prophète de Dieu. Number two, deuxièmement, the Lord made me know that she knows I am here. Et Dieu m'a dit qu'il savait que j'étais ici. And she was given 25 million shillings. Et elle savait qu'elle a eu 25 millions. She sent her agents. You know, they send the agents before. Elle envoie d'abord. Adelante. Elle envoie d'abord des agents à l'atterrissage. And you have to put the money in the account first before they come. Tu dois mettre l'argent dans le compte avant qu'ils viennent. And then she did not release any message. Elle n'a donné aucun message. And then et après, she did not lead people to the Lord. Elle n'a pas amené les gens au Seigneur. And on Monday, le lundi, the newspaper brought the pictures I was talking about. She went to Carnivore restaurant, which is a very immoral place, and she danced with prostitutes. Maintenant, j'ai eu la vision. In miniskirts. Maintenant, j'ai eu la vision s'est réalisée. The prophet is now dancing in a discotheque with miniskirts. Parce que la prophète était dans un lundi dans un disco. Your prophet is now dancing in a discotheque with men, short white skirts, in miniskirts. It was in the newspaper. Elle avait une mini jupe, c'était dans les nouvelles. Elle dansait dans un disco une mini jupe blanche. Where? Oh, these people were very difficult. Ces gens étaient très difficiles. That's why I am saying. C'est pour cela que je dis. The truth is in repentance. La vérité est dans la repentance. When you repent, quand tu te repens, then the Lord finds a vessel to pour the new glory. This glory cannot be adulterated. Dieu trouve un vaisseau dans lequel il doit trouver. Il ne doit pas vraiment être maltraité. Write down the following. Maintenant, voici les. Write down the following now. Voici maintenant les choses importantes. Because time is over, must leave. Parce que le temps est fini, il faut que je parte. How to manage your life in Europe? Comment maintenant entretenir votre vie en Europe? You have received the heavenly blessing today. Vous avez eu les bénédictions de Dieu aujourd'hui. But how do you preserve this? Comment vous préservez cela? Point number one. Premier point. It says. Il dit. Seek ye first the kingdom of God. Cherche premièrement le royaume des cieux. Seek ye first the kingdom of God. That's point number one. Cherche premièrement le royaume des cieux. C'est le numéro 1. Matthew chapter 6. Matthieu chapitre 6. Verse 32 to 33. Verset 32 jusqu'à 33. And there are many scriptures I don't have to give to you. Il y a beaucoup d'écritures mais je ne vais pas tous vous donner. Point number 2. Numéro 2. How to make sure that when you are in Europe. Comment être sûr que tu es en Europe. That you can preserve your salvation. Que tu peux préserver ton salut. Point number 2. Deuxième chose. Love the Lord your God with all your heart. Aime Dieu de tout ton cœur. Your soul. De tout ton âme. Your mind. De toute ta mémoire. And your strength. Et de toute ta force. I'm just giving you survival techniques. Je vous donne juste 5 techniques. I am giving you survival points that you may survive. Je vous donne 5 points pour que vous puissiez survivre. Otherwise, Europe is very rough. Sinon l'Europe est très difficile. There is everything from drugs to what to everything. Il y a tout, il y a la drogue. You may never survive here. Vous ne pourrez pas survivre ici. Catch this. Number 3. Numéro 3. He says, give the Lord your God. Donne Dieu ton Seigneur. Your first effort. Ton premier effort. You can say first fruit, but I'm saying first effort. Vous pouvez dire le premier fruit, mais moi je dis premier effort. Which means when you begin to do something, you say, my first effort goes to the Lord. Qui veut dire que quand je fais mes premiers efforts vont d'abord à Dieu. Number 4. Numéro 4, parce que j'ai pas de temps. He says. Il dit. Seek the Lord your God. Cherche Dieu ton Seigneur. Wholeheartedly. De tout ton cœur. Before. Avant serving man. Avant de servir l'homme. Number 5. Numéro 5. Be totally available. Sois totalement disponible. To the Lord your God. Pour le Seigneur ton Dieu. Number 6. Numéro 6. Don't seek the approval of man, but of God. Ne cherche pas l'approbation de l'homme, mais cherche l'approbation de Dieu. Again, let me repeat number 6. Laisse-moi répéter numéro 6. Never seek the approval of man, but of God. Ne jamais chercher l'approbation de l'homme, mais l'approbation de Dieu. Even if you remain only one pastor preaching holiness, you remain one. Même si un seul pasteur qui prêche la sainteté, tu restes un. Don't worry about the others. They are castigating you. They are laughing at you. You are alone. Don't worry. You just never seek the approval of men. Seek the approval of the Lord only. Ne t'inquiète pas des autres pasteurs, des autres moqueries, des autres rires qu'ils font pour toi. Tu restes un seul pasteur. Un seul pasteur. Ne t'inquiète pas du reste. Number 7. Numéro 7. Learn to stand alone even within the church. Aime de rester seul, même dans l'église. He says, learn to stand alone, even within the church. Learn to stand alone, even within the church. Apprends à rester seul, même dans l'église. If you send your children to a church, si tu envoies un fils dans ton église, if you are a youth in the worship, si tu es un jeune dans l'équipe de louange, and you find that the youth in that worship are in sexual sin, they are sending texts, they are sending emails, they are sleeping with one another, there is pregnancy there, you don't have to subscribe to that. Et si tu es un jeune dans l'équipe d'adoration et que tu vois que dans le choral les autres jeunes s'envoient des textes, des emails et qui sont dans le péché sexuel et qui couchent ensemble et qu'il y a de la grossesse à l'intérieur, tu restes seul. If you find that your pastor is a liar, si tu trouves que ton pasteur est un menteur, and he loves money, et qu'il aime l'argent, and there is immorality in the church, et qu'il y a l'immoralité dans l'église, he's saying, il dit, you don't have to go to hell because of this man. Tu ne dois pas aller en enfer à cause de cet homme. Learn to stand alone even within the church. Apprends à rester seul même dans l'église. Meaning there are certain things you don't have to subscribe to. Il y a des certaines choses que tu dois pas te soumettre. No, you cannot. Tu ne peux pas. Because you are going to appear before Jesus alone. Parce que tu vas apparaître seul devant Dieu. You won't say, Lord, you will not say, Lord, you know my pastor, the Lord, you will not listen to that. Tu ne diras pas devant le Seigneur, ah mon pasteur, tu vas être seul devant Dieu. I need to move on. Oh, je dois continuer. He says, numéro 8, dit, fellowship with people going in the same direction. Et de la compagnie avec les gens qui vont dans la même direction. That's very powerful. Ça, c'est très puissant. Il dit, fellowship et de la compagnie only with people going in the same direction as you. Avec des gens qui vont dans la même direction que toi. Ouais. Oh. Léo ni Léo. Aujourd'hui, c'est le jour J. Today is today. Aujourd'hui, c'est le jour J. The Lord has encountered the church. The truth must be spoken. Dieu est venu rencontrer l'église. La vérité doit se parler. I am moving to number 9. Maintenant, je vais au numéro 9. Maintain an eternal perspective and value system by setting your heart on the things above. Entretiens une perspective éternelle pour juste regarder les choses d'en haut. It's finished. The message is over here. Le message est fini. On a fini. I am just giving you survival techniques. Je suis en train de vous donner des techniques de salut. Il dit, always maintain an eternal perspective. Entretiens toujours une perspective éternelle. And value systems. Et une valeur du système. By setting your heart. En mettant ton cœur. On the things above. Vers les choses d'en haut. He says, il dit, always maintain an eternal perspective. Entretiens toujours une perspective éternelle. And value systems. Un système de valeurs. By setting your heart. En mettant ton cœur. On things above. Vers les choses d'en haut. Before you do anything, ask yourself, how does this help my eternity? Avant que je fasse toute chose, comment ceci aide à mon éternité? Before you pick that phone call, ask yourself, how does this phone call help my eternity? Avant que je prenne cet appel, comment cet appel va aider mon éternité? Can we move on? Est-ce que nous pouvons continuer? Number 10. Numéro 10. Be an example others can follow. Sois un exemple que les autres peuvent suivre. Where? Oh. Be an example. Sois un exemple. That others can follow. Que les autres peuvent suivre. That is very powerful. Ça c'est très puissant. Because it gives you responsibility. Parce que cela te donne une responsabilité. You begin to know that whatever step you make, people are watching. Parce que tu sais que chaque étape que tu fais, chaque pas, les gens te voient. You become a leader, a leader. Tu deviens un leader. And you cannot make mistakes on these matters. Et here. Tu peux plus faire maintenant des fautes dans cette. You cannot allow it. Tu n'es pas permis. That is very powerful. Can I move on? C'est très puissant. Est-ce que je peux continuer? And he says, et il dit, 11, he says, numéro 11, il dit, let Jesus Christ, laisse que Jésus Christ, be your perfect example, soit ton exemple parfait, of singular focus, d'un singulier focus, on God the Father, vers Dieu le Père. Can I repeat that? Est-ce que je peux répéter? Let Jesus Christ, que Jésus Christ, be your perfect example, soit le seul parfait exemple, of singular focus, d'un focus singulier, on God the Father, vers Dieu le Père. Which means Jesus said, ce qui veut dire Jésus dit, I must do the work of he who sent me before the darkness comes. Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. I am not sending myself. I am sent by he who sent me. Whoever sees me has seen he who sent me. Everything Jesus did was focused on the Father. The Father. The Father. The Father. The Father. The Father. Je ne me suis pas envoyé moi-même. J'ai été envoyé par le Père. Tout ce que je faisais, toutes les œuvres que je faisais, doivent être focalisées sur le Père. Le Père. Le Père. Le Père. Le Père.